17h à Montréal en direct de la brasserie Elm sur la rue Bernard. J'ai le bonheur ce soir d'être entouré du très viril Fred Savard. Bonsoir. Du brillant Olivier Niquette. Salut. Du vitriolique Jean-Sébastien Girard. Bonsoir. C'est une suggestion de Fred. Oui. Et de notre invité d'honneur, la fabuleuse Christiane Charette. Bonsoir. Bonsoir. Et de notre fabuleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens à la maison, bonsoir les gens dans le public qui sont encore très nombreux malgré la température. Hein. On accueille immédiatement Emmanuel Bilodeau. Vous êtes déjà assis autour de la table. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien, vous? Ben, ça va très très bien, mais je vais vous parler plus tard. OK, à la prochaine. Mais vous pouvez... Non, mais vous avez le droit de parler, là. J'ai le droit de parler mais pareil. C'est parce que votre entrevue, c'est plus tard. Mais c'est comme j'étais pas là pour l'instant. Ah non, vous êtes là quand même. Ça veut dire pour moi. OK. Ah allez. Oui. Ah non, mais okay. Allez-y, hein. OK, mais non, j'ai rien à dire. OK, parfait. Est-ce qu'il pourrait être une sorte d'invité d'honneur, peut-être, pendant l'heure qui est ici? Ben, collaborateur oui. Invité d'honneur. Qu'est-ce que je fais, ça, là? Pourquoi m'avez convoqué à cette heure-là? J'ai rien à dire. Non, non, mais attendez 5 minutes. J'ai 3-4 questions pour vous, là. Vous êtes donc bien pressé. Hey. Ça paraît que vous êtes humoriste, hein? Il y a encore 2 minutes. Non, j'ai des enfants qui veulent souper à 6 heures, là. Alors, on va faire ça vite. Voyons donc. On est avec Christiane pendant 2 heures. Bonsoir, Christiane. Bonsoir. Ça va être long. Non, mais 2 heures. Tu vois, moi, je demande qu'il reste, franchement. Non, Christiane, vous savez comment je vous aime. Vous avez un trop grand cœur, Christiane. Ouais. Vous savez qu'en tant qu'invité d'honneur, Christiane, vous avez les mêmes droits que... Je gagne combien? Ah, mon Dieu, c'est presque 150$, Christiane. Moi pas, ah, ben, wow! Oui. Non, non, je vous le dis, là, moins impôts. Ah, non, non, il vous reste quasiment une fin de semaine à côté de chez vous. Non, mais en tant qu'invité d'honneur, vous avez les mêmes droits que tout le monde autour de table, vous le savez, hein? Je peux interrompre à tout moment. À tout moment. Cracher dans la recette. Exactement. Oui. Vous avez le droit de tout faire. Ah, elle a déjà compris. Alors, évidemment, pendant l'émission, on va recevoir, on va parler avec Emmanuel Bilodeau et de son One Manu Show. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. On va parler, évidemment, de 1000 autres trucs à la recette de Jean-Sébastien. Vous nous cuisinez quoi cette semaine, Jean-Sébastien? Quelque chose de brun. J'ai regardé dans le poêle des blettes. Oui, je sais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est du brun pimpé avec du orange, en gros. Mais ça peut juste être bon. En deuxième heure, on va recevoir Catherine Perrin. On va parler de son livre, on va parler de la musique, on va parler de radio, on va parler de etc., etc., etc. Et on aura vu à la fin de l'émission, on aura vu ou pas, en fait, la dernière pièce de Fabien. Qu'est-ce que c'est pour cette semaine? Pas à partir de demain. C'est une très, très belle fille. En plus, une fille qui a eu du succès, c'est une grande avocate. Une des personnalités les plus influentes parmi les... En fait, elle est, selon le Daily Telegraph, c'est une Britannique. Ça, c'est pas de la une des 100... Hein. Ben, pas tout à fait britannique, mais en tout cas, c'est un peu ça. Une des 100 femmes les plus connectées du Royaume-Uni. Ah, alors, t'imagines-tu, du Royaume-Uni? Selon le courrier international, là, l'union de George Clooney, qui pense à la politique, cette grande avocate des droits de l'homme, une des plus reconnues sur la planète, qu'est-ce que tu penses que ça donne? Est-ce qu'il va être comme genre président des États-Unis? On sait pas. Ah, voyons donc. Peut-être que c'est lui qui va régler toutes les crises dont on parle en Arrêtez ce moment. Non. Lui et elle. Mais vous l'avez rencontré, elle et vous? Lui, peut-être. Ah, mon Dieu, c'est intéressant, ça. Oui. Non, ça valait la peine d'être là. Puis la mode, là, il y avait... Écoute, la semaine dernière, ça faisait quasiment dur à côté du mariage. As-tu vu les robes qu'elle portait? Je le sais, je capotais. Avez-vous vu les robes, quelqu'un? Ah non. Ben, non. Mais il n'y a personne qui est invité, Christiane. Non, c'est juste que je suis allée. Mon et Dieu. En plus, j'ai croisé... Catherine Deneuve, je vous ai apporté Mon la Dieu. Photo. Non, mais je me suis dit, ils ne croiront pas. Alors, j'ai apporté la photographie de Catherine Deneuve. Ouais. Catherine Deneuve, j'ai croisé au défilé d'Yves Saint-Laurent. Alors, peux-tu nous dire ce qu'elle portait? C'est quand même assez extraordinaire. Ah, mon Dieu, elle porte une feuille de cannabis. Eh oui, elle porte un T-shirt avec une grosse feuille de cannabis. Et elle se joint... comme ça, sans dire un mot, subtil, comme toujours Catherine Deneuve. Les mots ne sont pas importants. Ouais. Elle se joint, j'imagine, malgré elle ou selon elle, aux militants qui militent pour la libération des feuilles de cannabis sur les T-shirts. Fait que c'est une poteuse. Libération des feuilles. La légalisation du pot. La feuille. C'est une poteuse, Catherine Deneuve. Mon Dieu, mais c'est une grosse semaine, Christiane. Oui, on n'a rien fait de comparaison. J'en passe, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes pour ça, vous, Christiane, la libération? Mais sinon, il y a une question niaiseuse. Il faut qu'on se dépêche, Jean-Sébastien. Oh, oh, oh. Les excuses. J'ai manqué la chance de répondre. Grand talent. On va vous poser la question. Vous fumez du pot, vous? Ben oui, bon, on le savait que vous finissez du pot, voyons donc. Fred, ça fait quoi, vous, dans votre semaine? Ben tranquillement, pas vite, je me prépare à la conscription qui s'en vient, parce que vous savez que le Canada est en guerre contre le groupe armé islamique, oui, et j'ai très peur de la conscription, parce que ça va durer des années. Alors là, je ne sais pas ce que je vais faire, est-ce que je rentre chez les frères, peut-être chez les Esséniens, tergiverse, ou peut-être me cacher dans la Beauce profonde, alors s'il y a des jeunes veuves qui auraient de la place sur leur propriété. Non, mais peut-être que propriété. George Clooney et Amal vont tout régler ça. Ça m'étonnerait. Vous n'avez pas les pieds plats, vous? Non, j'ai le pied arqué. Alors, je vais être sur la ligne de front si jamais on est appelé sous les drapeaux. Alors, j'ai très, très peur. Ben, je vous remercie beaucoup, frère. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Ben oui. Ouais. Voyons donc. Ouais. Avez-vous entendu le discours d'Elisabeth May? Ah, j'ai trop sur peur. Sur les intentions d'art. Non, non, mais elle n'est pas d'accord par non, mais non. Elle l'a très bien dit. Elisabeth May en même temps. Non, non, mais c'est attends. Mais là, c'était son moment. Elle remet en doute les bombardements, l'efficacité des bombardements, entre autres, je crois. Olivier, vous avez fait quoi cette semaine, vous? Moi, j'ai fait comme le vrai monde, c'est-à-dire rien. Mais ça m'a donné le temps quand même d'écouter pour la première fois l'instant gagnant à VTL. Ah. Et je suis tombé sur la question suivante. Qu'est-ce qui est blanc et qu'on retrouve dans un réfrigérateur? Des œufs? Non, non. C'est quand même évident, il me semble. C'est le châle. Ah. Châle, c'est un breuvage de lait de chameau fermenté qui vient du Kazakhstan, comme a dit l'animateur. J'en vois tous les jours. En tout cas, le gars qui attendait depuis 30 minutes en ligne pour répondre, mini bombelle, il était bien, bien déçu. Ouais. C'est toujours pertinent vos semaines, Olivier. Ben, merci. C'est pas très glamour, mais quand ben même. Ben non, mais quand même, vous êtes pas c'est la vraie vie. Mais je sais. Jean-Sébastien, vous avez fait quoi, vous? Oui, grosse semaine glamour de mon côté aussi. Je suis allé au lancement de Ricochet cette semaine, à Lyon d'Or. C'est quand même moins gros. Hein. C'est quoi Ricochet? Ouais. Je sais pas. C'est moi. Un nouveau média? Oui, exactement. Alternatif de gauche? Oui, exactement. De bel avenir. Qui fonctionne par sociofinancement. C'est-à-dire, donc, en gros, c'est une gang de cassés qui veut se faire payer une job par nous. Mais ils font un travail pour vrai excellent. Ils jasent entre autres d'éducation, d'environnement, d'actualité internationale, société, culture. Parmi les journalistes qui signent des billets, il y a le petit Gabriel Nadeau-Dubois. On en peut plus, Lagacé, on est un peu tanné. Ouais. Anne Lagacé-Dawson. Pourquoi? Je m'excuse, c'est de la diffamation. Moi, j'en non, c'est de la jalousie. Encore. Non, c'est de la jalousie. Il est super, lui, non? Ben voyons, donc super. Voyons, il a un an qui arrête de nous écœurer. Donc, aussi, donc, Anne Lagacé Dawson, le grand économiste Jean-Philippe Cipriani participe également à ce web. Voilà, oui, absolument. Ils connaissent aussi, toi, de la jalousie. Alors, évidemment, c'est dans l'air du temps. Évidemment, ce n'est pas un média papier, mais on pourra le lire sur ricochet.media. Pour vrai, des dossiers très fouillés, préparés avec. Est-ce que vous avez des actions là-dessus pour en parler comme ça? Non, pas du tout. OK, d'accord. Sinon, j'ai réfléchi à ma consommation d'alcool cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur Facebook qui, cette semaine, allaient commencer un défi d'un mois sans alcool. Oui. On parle beaucoup de octobre sans alcool. Vous avez déjà tenté l'expérience il n'y a pas tellement longtemps. J'en sors. Il est bien passé. Les gens rient ça dans la salle. Bien. J'étais sous hier soir. Alors, j'ai pensé, moi aussi, peut-être faire ce mois-là. Évidemment, j'ai voulu faire une liste avant des avantages et des inconvénients de passer un mois sans alcool, histoire de prendre ma décision. Ben ouais. Alors, j'ai pris quelques notes. Vous pourrez en ajouter d'autres. Donc, pour moi, dans la liste des pour, un mois sans alcool, c'est un mois sans regretter d'avoir taponné ses collègues de travail, hommes ou femmes, dans des 5 à 7. Voyons donc. Ça, c'est toujours dans les pour. Toujours dans les pour, c'est un mois sans avoir à écrire des messages d'excuses sur Facebook au lendemain des parties. Wow, tu bois? C'est un gros plus. Ouh. Ah, mais ça, c'est en général, Christian, c'est pas forcément moi. C'est également un mois sans trouver sur son relevé de banque des retraits suspects faits dans des guichets suspects, situés dans des lieux suspects faits à des heures suspectes. Wow. C'est également un mois sans perdre son iPhone. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est un mois sans rouler en sens inverse du trafic à 3 heures du matin avec 8 paquets de gomme dans la bouche. C'est aussi, ça c'est Fred, vous allez trouver ça intéressant, un mois sans trouver dans ton sac des affaires volées dans un bar la veille. Vous savez, on peut tous ouvrir un bar avec les pintes de bière qu'on a à la maison. Jean-Sébastien, oui. Un mot, modération. Oui. Oui. Mois sans bafouiller pendant la deuxième heure de la soirée est encore jeune parce qu'on aurait bu trop de cidre au M dans la première heure, n'est-ce c'est pas Jean-Philippe? Oui. C'est aussi un mois sans se dire, voyons pourquoi ça me pique comme ça, n'est-ce pas Olivier Niquette? Et... ce n'est pas juste ça, évidemment. Il y a des désavantages. Ah! Ça, c'est important d'en tenir compte. Ouais, ouais. Un mois sans boire d'alcool, c'est un mois sans avoir le goût de vivre. C'est un mois... C'est un mois, Jean-Philippe, sans frencher. Ouais. Ah, ben, oui, non. C'est un mois sans savoir danser. Ouais. C'est un mois à trouver ses amis plates, niaiseux et pas vraiment cute. C'est également un mois sans avoir d'opinion sur l'austérité ou la gratuité scolaire. Surtout, c'est un mois sans être bilingue. Et c'est un mois sans être capable de rire des chroniques d'Olivier pendant l'émission, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Ah, ça, c'est vrai. Mon Dieu, je ne vous ai pas écouté jusqu'à la fin. Hein. Je sais, j'avais écouté, jamais. J'avais d'autres choses à faire. Mais merci beaucoup, Jean-Sébastien. Oui, c'était une belle confession. Ben oui, je comprends. Moi, je suis ému. Je lève mon verre à ça. Je lève mon verre à ça. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Olivier, Internet? Oui, bien, toutes les informations pour assister à l'émission sont sur notre site. On enregistre au Elm, au 273 Bernard Ouest à Montréal. Et notre site, c'est radiotraditioncanada.ca/lasoirée. On est aussi sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée, encore jeune. Et vous pouvez nous écrire à lasoirée@radiotraditioncanada.ca. Et notre question du jour, ben, vous avez vu, grosse nouvelle ce matin dans la presse, hein, la ville de Montréal rêve au trottoir chauffant. Oui! Mon Dieu, que c'est excitant. C'était le temps. Hein? Moi, là, me promenant en gougoune au mois de décembre, ça fait longtemps que je rêvais à ça. J'en rêve. Alors, même la question, ben, là. À quoi d'autre aimeriez-vous que votre ville rêve? Alors, la belle question. Hein? Évidemment, vous nous répondez. Et en début de deuxième heure, on lira les réponses, évidemment. Mais en attendant, on va aller rejoindre notre salle de nouvelles portative. Frédéric Savard, le Normand Séguin, c'est le racisme. Oh, ça, c'est une de jeunes qui se sont pliés cette semaine une lettre afin d'appuyer Bernard Drainville à la chefferie du parti. Vous avez vu ça? Oui, oui, la lettre intitulée « Bernard Drainville, candidat 2 points. Le Parti québécois en a besoin ». La lettre ne tarit pas d'éloges sur les aptitudes de Bernard Drainville. Selon eux, Drainville a particulièrement brillé pour ses qualités de rassembleur lors du débat sur la charte des valeurs québécoises. Ah oui, ça, Fred, la lettre de 420 pages prétend également que le référendum de 95 a été volé, qu'il se trouverait dans un coffre enterré dans une île des Bermudes et que le but d'Alain Côté était bon. Ah! Oui. Les jeunes prennent trop de drogue. Hein? Oui, énormément. Sinon, on apprend que l'austérité frappe les plus démunis. On a appris ça cette semaine. Les coupures demandées par Québec forcent les agences de santé de Montréal à abolir l'allocation de 4,30 $ par jour qu'on versait. Oui, mais là, on ne sait pas encore. Mais en même temps, je sais que les gens trouvaient, ah, c'est pas grand-chose, mais sur 5 000 jours, là, c'est plus que 20 000 $ c'est énorme. Moi, non, je veux juste dire ça. Non, mais Dr. Barrette a eu honte quand il a regardé les nouvelles. Madame Charrette, oui, c'est pas votre tour encore. Mon Dieu. Alors, la mesure. Je vais parler tout le temps. Oui, mais pas tout le temps, tout le temps. La mesure permettra d'économiser 2 millions de $ par année. Une somme gigantesque, 2 millions quand même. Oui, enfin, les moins nantis feront leur part également. Je pense que c'est important. Une note interne affirme que de toute façon, le Québec n'a plus les moyens de se payer la trisomie 21. On investira seulement dans les trisomies inférieures à 10. C'est ça, l'austérité. Faut couper partout, hein? Ben oui. Sinon, honte de choc dans le domaine de l'horticulture, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Les plantes seront également éliminées des bureaux du gouvernement. Oui, progressivement, on va enlever tous les végétaux des bureaux de l'appareil gouvernemental et économiser ainsi 500 000 $ en arrosage et désherbage. En fait, on ne conservera qu'une plante verte au ministère de l'Éducation, c'est-à-dire le ministre lui-même. Et ce n'est pas terminé, l'austérité pourrait également frapper l'aide sociale. Ben oui, des rumeurs affirment que le gouvernement voudrait faire le ménage dans ce secteur. On entend procéder à des coupes de 200 millions de $ auprès de ceux qui vivent au crochet de l'État. En réaction, un porte-parole de la compagnie Bombardier espère pouvoir discuter avec le gouvernement très bientôt. Ah, oh, bonne. Le Bureau de la concurrence du Canada affirme qu'une autre compagnie offrant la téléphonie sans fil, ben, ça serait bénéfique. Ben oui, on sait que le Canada est l'endroit au monde où la téléphonie cellulaire est la plus chère. Et effectivement, une cinquième compagnie pourrait venir nous entuber comme les quatre autres. Ben, faut dire que ça fonctionne. Hein? La concurrence est féroce dans le domaine de la gasoline et les prix sont extrêmement bas. C'est fou. Franchement, là, hein? Ça fonctionne. Ils nous payent pour gazer. Sinon, les étudiants de Hong Kong continuent de manifester dans les rues. Oui, la tension a monté alors que les autorités ont tiré sur les manifestants. La police affirme qu'elle n'a fait que se défendre. On a même demandé au leader étudiant là-bas, Gabriel Nadeau-Wong, de dénoncer la violence et qu'il a refusé de faire. Eh bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Oh que oui. La météo. Oui. Ah, il fait pas beau, hein? Non, il fait pas beau. Les gens à la maison, si vous voulez savoir s'il pleut, effectivement, oui, je vous l'annonce, il pleut. Partout au Québec, 12 à Montréal, 14 quelque part. Encore une fois, il me manque une ville. S'il fait 14 chez vous, vous nous écrivez. Et le bébé Doc qui est décédé, alors peut-être pour mettre toute la météo en perspective, là, il fait 35 à Port-au-Prince. Ah, quand même, hein? Oui. Et on invite les gens à nous écrire pour le reste du Canada, ben, regardez dehors. Et on invite à nous écrire pour la circulation qu'on va transmettre au cours de l'émission. En début de deuxième heure. J'en ai déjà reçu. Ouais, en début de deuxième heure. Donc, si c'est bouché chez vous, vous nous appelez ou en fait, vous nous écrivez et on va pouvoir transmettre l'information. Et justement, j'ai eu des nouvelles, en fait, des gens de l'information ici à Radio-Canada qui voudraient vraiment que vous donniez la circulation sur l'autoroute 40 et l'autoroute 20. C'est que je donne beaucoup sur des routes de campagne. On est une émission de service et je trouve que les régions sont mal desservies. Alors, c'est vrai, je me suis concentré sur les petites routes. Oui, mais il n'y a jamais de trafic. Genre l'ancienne 3 dans le coin de Saint-François-du-Lac. Mais là, on va se concentrer sur les vraies autoroutes, la 40, la 13, la 15. Ah mon Dieu, on a très, très hâte de faire comme toutes les autres émissions. Hein. Oui, ça okay, merci Fred. Est-ce qu'on accueille notre premier invité pour vrai? Là? Bien sûr! Sa carrière de comédien battait sûrement de l'aile. Il s'est donc lancé dans l'humour, le contraire de Stéphane Rousseau finalement. Accueillons Emmanuel Bilodeau! Ah. Ça valait la peine d'attendre, hein, quand ça même. Ça valait la peine d'attendre, tabarouette. Ouais, j'ai pas osé intervenir pour pas me faire rabrouer comme il a rabroué Christian. Avez-vous vu le manque de respect, quand même? C'est terrible. En plus, elle est quand même pas si jeune que ça, Christian. Non, mais elle a 35, 36. Ah oui. Je l'ai quand même vous voyé en la rabrouant. Appelez Madame Charrette. Oui. Madame Charrette, fermez-vous. C'est un peu ça. Est-ce que vous êtes content de venir sans épouse ici, enfin? Sans épouse? Pourquoi j'ai toujours avec mon épouse? Non, mais j'ai écouté une entrevue à 125 Marianne et vous étiez avec. Vous étiez avec Edith. Oui, on en fait rarement des entrevues en épouse, en époux, mais là, on a fait parce que c'était ma metteur en scène. Oui, non, je comprends. Mais on a fait deux, trois. Je pense que Christiane a posé toutes les questions à Edith. Ouais. Une demi à vous. Oui, puis Lise Dion m'en a posé trois, quatre ouais, aussi. Oui, je sais. Je trouvais ça. Pas vrai, ça. J'aime ça parler, Emmanuel. Moi, Christiane, on est en feu. Alors, ce que je propose, c'est de vous rattraper, Christiane. Faites l'entrevue avec Emmanuel. Ouais. Ah non, OK, bon, OK, d'abord. Emmanuel, es-tu content? Y avait-tu beaucoup de monde? T'as des bonnes critiques? Y avait-tu beaucoup de monde? À ton spectacle, je devais y aller, j'avais une bronchite. Il y avait 800 personnes, moins toi, 799 personnes. Ça a été bien? Ça a été débile. T'as-tu juste eu des bonnes critiques? J'ai pas lu, je voulais pas les lire, mais ça a l'air que le vent est bon. Est-ce que vous avez écouté, Emmanuel, la critique que Fred et mon a fait cette émission la semaine passée? Non, je l'ai pas écouté. Je veux pas lire les critiques ni entendre tant. Okay. Non, mais Journal à Montréal, ça a été bon. TVA aussi. Je l'ai entendu. J'ai vu Snyder, vous savez, mais ça a fait un long statut. C'est gentil, mais parle-moi, tu veux pas entendre parler? Vous voulez pas en entendre parler? Ben, parce que là, je suis seul sur la scène, puis mon affaire est faite. Je suis très critique par rapport à moi-même. Je trouve que les critiques, ça se peut là, qu'il y en ait des mauvaises puis des bonnes. Puis ça ne me rendra pas heureux, les bonnes. Puis les mauvaises, ils vont me détruire. Fait que j'aime autant pas les lire. Ah, mais non, il n'y a personne qui vous détruit en passant. Non, mais t'as vu mieux, l'annonce? Super... Les annonces, c'est plein de critiques sur l'annonce. Les annonces, oui, elles sont super bonnes. Les annonces, ben oui, ils ont du bon matériel pour faire des belles annonces. Ben, c'est ça qui est important. Content. Ouais, je suis content. Le titre de votre premier One Man Show, One Manu Show. Ouais, c'est vraiment un titre anglophone. Qui a trouvé ça? Pour aller chercher les anglophones. C'est moi qui ai trouvé ça. pour aller chercher les anglophones? Ben, j'aimerais ça au bout qu'ils viennent voir mon show, je capoterais. Mais les chances sont minces. C'était pour les confondre, en fait. Des fois, il y en a qui feraient penser que c'est un show anglophone. Fait que, non, mais c'était parce que moi, j'ai très peur de la disparition. J'ai peur de beaucoup de choses, mais la disparition du français, l'anglicisation du Québec. Mm-hmm. Puis je trouvais que c'était un titre qui pouvait porter à confusion. J'adore ça. Je lisais que vous étiez quelqu'un d'angoissé, mais je le vois même. J'ai l'air angoissé, mais je ne suis pas pantoute. Pourquoi décider d'aller tout seul sur une scène? Pourquoi se faire ça à nous, les angoissés? C'est une excellente question, Jean-Philippe. Passe. Non, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis le doigt dans le tordeur à un moment donné en acceptant une invitation de Juste pour rire. J'aurais pas osé moi-même le faire sans qu'on me le demande. Là, j'ai fait « OK, j'accepte l'invitation, sachant que c'est un peu angoissant d'être tout seul sur une scène. Ben oui. C'est pas ça qui me rend heureux dans la vie. Moi, je suis heureux dans les gangs. J'ai une famille de 12, je suis heureux quand il y a beaucoup de monde. En théâtre, on est heureux, il y a plein de monde. Mais j'avais quand même le petit fantasme, là, comme on a tous un peu, être chanteur, être humoriste. C'est un fantasme que j'avais. Là, je l'ai fait une fois, ça avait marché. Là, je suis comme pogné pour le refaire. Je suis content de le faire. C'est angoissant, c'est dangereux, c'est vertigineux, mais j'aime ça au final. Mais la prochaine fois que je vais faire ça, je vais m'entourer de gens qui écrivent bien, qui vont pouvoir m'aider à écrire aussi. Est-ce que c'est vous qui avez écrit tout seul? Non, mais Fred, pas disponible. Non, je suis... Tu pourrais me regarder de temps en temps des affaires. Ben oui. Bon. Ben oui. Non, mais est-ce que c'est vous qui avez écrit uniquement ce show-là? J'ai parti l'affaire au complet tout seul, puis je me suis allié, adjoint des jeunes auteurs qui sont plus en humour, pour me donner des idées, des suggestions, pour m'aider à certains... Tu sais, j'ai voulu écrire ça tout seul, tout en étant conscient que j'étais pas capable de rendre ça drôle à chaque moment. J'avais envie d'avoir de l'aide. Il y a comme un 20-23% qui m'appartient plus ou moins, qui est écrit en collaboration. Ouais. J'ai pas demandé à personne de m'écrire des numéros, mais ils m'ont aidé. Ouais. Tu sais que c'est ta blonde qui fait la mise en scène? Ben oui, mais c'est ça, mais il l'a dit au début. Arrêtez de parler de ma blonde, Jacques, je suis plus capable. Elle est partout, elle est plus drôle que moi, elle m'énerve. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup drôle. Elle est très drôle, hein? C'est pas vrai, je l'aime. Puis Julie, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Julie Snyder, qu'est-ce qu'elle fait dans... Quel rapport ça a, ton show avec Julie Snyder? Ah, rien. Non, c'est pas vrai. Elle a rien fait. Elle est venue me chercher. Oui. On s'aime beaucoup. Elle produit votre show. Elle m'a dit, veux-tu que je te produise? Puis après ça, elle a laissé son équipe faire le travail. Ouais. Puis elle est venue voir la première. Puis elle savait pas c'était quoi le show. Pour vrai? Ah, j'ai adoré ça. Elle m'a fait confiance. En fait, moi, je t'aime beaucoup. Elle m'a dit à l'entracte, j'étais sûr que t'allais te planter. J'avais pas confiance tant que ça. Je suis vraiment... C'est pas vrai. Ouais, je te dis... Non, mais elle tripait comme une folle. Elle était super contente. J'étais sûr que t'allais te planter. Ben, elle dit, je pensais pas que t'étais bon. Je pensais pas que t'étais bon de même. Elle m'aimait. Elle voulait me produire, mais elle me l'a jamais dit. Mais à l'entraque, elle m'a dit, je capote, t'es super bon, je suis heureuse parce que je pensais pas. Vraiment, je pensais que t'allais te planter. Fait qu'elle est vraiment soulagée. Comment on reçoit ça comme artiste? Ben, je connais Julie au bout. J'ai reçu ça avec beaucoup de rire. C'était une façon de me dire bravo, t'es hot. Puis moi, je suis pareil comme moi. Je suis pareil comme ça. Je pensais moi-même pas que ça allait bien aller. Je pensais que j'allais tomber d'une pomme avant l'entraque. Je pensais que j'allais mourir une soirée avec 800 personnes, des amis, des personnalités, des Jeannette Bertrand, des premiers, des Pauline Marois et mes amis, et des critiques surtout, des caméras de critiques. Je pensais pas survivre à ça. J'ai survécu, puis je m'en suis tiré quand même pas si mal, vraiment. Je suis heureux. Fait que maintenant, je peux avoir du fun. J'étais là. T'étais là. C'est vrai, Fred Savard était là. J'aurais prévu de une. Je t'ai mal placé, soir. Par exemple, ça peut-être rectifier ça à l'avenir. J'étais dans le balcon en haut. Ah, je suis mal à l'aise. Avoir su, je t'aurais eu des bons billets. Non, mais je trouve que t'écris bien, Fred. Ouais. J'aimerais ça que tu sois avec moi. Ouais. Là. Moi, j'ai aimé ça. Je pense qu'on peut le rappeler, mais j'ai eu quand même beaucoup de réserves. Alors, toi, tu l'as pas vu, mon chien. C'est pour ça que j'avais des réserves, par contre. Il l'a pas vu, mais il y a plusieurs réserves suite à l'avoir pas vu. On se pose la question parce qu'évidemment, vous êtes un comédien qui a fait le saut en humour. Est-ce que c'est le comédien qui est sur scène pendant le One Manu Show? Des fois, un petit peu. Des petits bouts d'un personnage, des petits bouts de là, mais très rarement. Je suis plus à nu en moi-même. Pas de défense, puis j'ai pas de personnage. Fait que c'est un peu angoissant, mais je vais en trouver un moment donné, un personnage. Ça a l'air qu'il faut en trouver un pour survivre à l'humour, parce que c'est pas mal plus facile d'être en personnage. Oh, moi, je ferais pas ça, j'étais toi. Parce que je pense, en tout cas, je sais pas, je suis pas allée, je l'ai pas vu, j'avais t'es une brochette. Pas faire quoi dans vos débats? Non, mais moi, je pense qu'on aime ça, je suis pas allée. Mais parce que c'est toi. T'es tellement aimable, tu rayonnes, t'as une espèce de fragilité, t'as quelque chose, t'as une présence ouais, magique. Ça énerve, c'est un personnage que ça va faire. Ben moi, ça ne viendra pas naturellement de faire un personnage. Non, je serais déçu. C'est pas moi. Oui, mais des fois, c'est clairement. Bon, Tomato, c'est un ouais. personnage. Ouais, c'est ça. Un vieux, c'est clairement ouais. un personnage. Moi, en politicien, c'est moi, mais en politicien. Mais ça n'a pas le même ton que quand t'es toi-même sur scène. Non, c'est ça, c'est ouais. le ton change. Mais c'est vrai que le personnage, ton toi sur scène, là, est. Hyper sympathique. Mais il fait des gens que ça peut énerver. Moi, j'aime ça, les gens que ça énerve. Moi, ben, si je me fie à ça, moi, je ne ferais plus rien. Ouais, c'est ça. Mais, moi-même, je parle vite. J'ai l'air insécure, j'ai l'air paniqué, alors que je suis juste de bonne humeur. Puis j'ai l'air angoissé, mais je suis vraiment heureux. Mais cette angoisse était présente au début. Arrête, Jean-Sébastien, vous n'avez pas vu le show. Je n'ai pas vu le show. Vous êtes plus à l'aise sur scène après. Vous n'avez même pas vu le show, Jean-Sébastien. Au début, je me disais, mon Dieu. Arrêtez, vous ne l'avez pas vu le show. Non, mais peut facilement deviner, puis je le comprends. Il est tellement brillant. Non. C'est vrai. Quand même, ne lui donnez pas de qualité qu'il n'a pas. Non, il est lui aussi pourrait écrire des affaires. Oui, pour vrai. Jamais de la vie. Ben, prends les deux. C'est parce que, Christiane, on a un show à faire à chaque semaine. Si vous les envoyez travailler ailleurs, on n'aura plus de show. Non, mais l'été, l'été, c'est dans 5 ans, la première. OK, l'été, c'est correct. Évidemment, quand on a vu votre numéro à Juste pour rire, qui était le premier numéro d'Emmanuel Bilodeau en humour, c'était très politique. Ouais. Je pense que les gens s'attendaient à un grand spectacle rempli de politique. J'avais jamais vendu ça de même, jamais dit ça. Non, mais je pense que les gens s'attendaient à ça quand même, parce que le fondement de l'humour d'Emmanuel Bilodeau, c'était politique. Ouais. Et quand Fred est revenu, il m'a dit, ben, écoute, c'est moins politique que je pensais. Ouais, et y a des gens à qui j'ai parlé, ils m'ont dit, c'est moins politique. Mais moi, là, je me risque, j'avais l'impression que comme c'est un premier one-man show, il y a quand même un... Oui, les gens te connaissent comme comédien, mais il faut quand même se présenter. Les gens ne connaissent pas. Non, mais c'est ça. Oui, le grand public ne connaît pas. Non, c'est ça. C'est capoté, mais moi, pour répondre à la question, c'est vrai et c'est faux ce que je dis, Jean-Philippe, parce que mon discours de fin, qui est politique, que j'ai beaucoup retravaillé, il est la pierre angulaire de mon spectacle. En fait, c'est tout converge vers ça pour moi. C'est tout ce que je veux dire dans vie, c'est mon dernier 8 minutes. Okay. Puis tout ce qui précède, c'est un peu pour expliquer, c'est un peu au racoleur aussi, me présenter, me rendre attachant pour pouvoir passer cette affaire-là sans que les gens me lancent des pierres puis fassent « Hey, arrête de me faire la morale ». Puis juste me présenter avec tous mes défauts, mes imperfections comme Québécois moyen. Puis mon rêve, ce serait quand même que les gens écoutent jusqu'à la fin ce discours-là qui est très personnel, qui peut déranger, mais qui est vital. C'est tout ce que je veux dire, en fait, dans la vie, c'est ça. C'est j'y pense à tous les jours, moi, à l'Avenue du Québec, c'est ridicule. Ça tous les jours? Ça m'habite au quotidien, c'est capoté de même. Puis ça me tient beaucoup à cœur, fait que je peux pas faire un show sans parler. Si je fais un deuxième show, je vais encore en parler. Je pense que je vais encore le faire de dériver de ce discours-là. Il va en avoir un deuxième show? Oui, c'est la question que j'avais posée. J'en fais un, je sais pas. On vous offre le rôle de votre vie au TNM, une tournée à travers le Québec pour un deuxième show. Mais il est trop tard. Un deuxième show, j'aurais préféré. Non, mais j'aime beaucoup ça. Ouais? Oui, j'ai la piqûre. Puis si j'arrive à faire Là, j'ai écrit trop. C'est très difficile d'écrire seul. Puis j'étais script éditeur. J'aimerais avoir un script éditeur, des collaborateurs depuis le début pour faire ça de façon plus moins rochante. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer des messages avec l'humour? Est-ce qu'il y a des messages qui peuvent passer plus facilement avec l'humour qu'avec la politique, par exemple? Tout passe plus facilement avec l'humour. Puis moi, mon intérêt en humour, c'est de passer quelques messages, même si je ne fais pas tant que ça dans ce premier show-là. Ce serait principalement ça, des réflexions, de porter des réflexions, en fait, sur des sujets qui appellent des questions chez les gens, puis qui font qu'ils partent de chez eux avec des questions, des réflexions, des pistes d'évolution qui se sentent un peu en train d'évoluer. Mais, tu sais, on dit que c'est votre premier spectacle d'humour. En même temps, vous étiez membre du comité pour la souveraineté. À la demande de Pauline Marois, en 2012. Et je me demande, comment ça a fonctionné, ça? C'était super. C'est quoi la question, précisément, et comment ça a fonctionné? Mais non, mais parce que là, on est en 2014, presque 2015. Ça va faire 2 ans, en fait, que vous avez été nommé membre de ce comité-là. Ouais, il n'existe plus, le comité de la défaite. C'est ça, je me demande. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. 6 mois, peut-être, avant l'élection, il n'y avait plus de réunion. On avait une réunion peut-être à tous les 3-4 mois. OK. Ou bien à Québec ou à Montréal. Puis ça parlait... C'était fascinant. Moi, je me sentais complètement privilégié. Ça parlait beaucoup de ce qui s'était passé en 80-95, les stratégies qui avaient eu lieu, l'état du monde aujourd'hui, l'état du Québec, l'état de la stratégie à l'époque, la stratégie qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec des anciens stratèges, avec des nouveaux, des économistes, des gens. C'était un cercle fermé, on était peut-être 15-20 personnes, des anciens ministres, des anciens stratèges. C'était fascinant. Moi, je me sentais complètement pas... J'avais rien à dire à part des petites jokes de temps en temps parce que j'avais pas les connaissances que ces gens-là avaient, mais je me sentais au cœur de l'affaire. Puis moi, j'étais là probablement pour un jour éventuellement à être celui qui allait peut-être essayer de rallier les artistes à la cause. C'est peut-être ça mon rôle. Je n'ai jamais trop compris ce que je faisais là. Est-ce qu'on vous a déjà posé la... Mais quand même, il va avoir une raison. Non, mais Paul Pichet était là avec moi. Puis lui, il était vraiment... C'est un gars extrêmement articulé qui connaît vraiment bien le dossier. Il était très impliqué en 95. Ben, il fait ça depuis longtemps, lui. Hein? Il ne fait que depuis longtemps. Oui, puis il lit. C'est très renseigné. Puis la petite chanson de Bernard Drinville et des Boys, là, à la fin de... après la défaite, là, on veut un pays. Non, mais je ne sais pas si on vous a posé la question, mais est-ce que vous trouviez que c'était une bonne chanson? J'ai pas entendu cette chanson-là. Mais non, mais tu sais, quand j'étais pas là. Vous avez pas vu j'ai cet pas vu ça, non. Ah, mon Dieu, ben c'est très, très mieux. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour moi. Ah, ouais, y a pas de doute là. J'ai pas vu ce petit bout-là. Je sais pas où est-ce que j'étais. Pour toutes vos convictions intérieures, vraiment, c'est un plus que vous l'ayez pas vraiment. Merci, Emmanuel Biodeau. Vous restez avec nous. Ah oui, Jean-Philippe Gauthier avec Gauthier. Ça paraîtrait que je serais un gauchiste radical. C'est le moment du billet de Fred Savard. Vous nous parlez quoi cette semaine? Gauchiste. Oui, ben, permettez-moi de revenir sur le Parti libéral qui se tenait cette semaine à Montréal. Hein, contrairement à l'austérité, ils en avaient parlé pendant la campagne de ce forum. Et j'aimerais y revenir parce que visiblement, il y a beaucoup de confusion autour du concept même d'intimidation. D'abord, confusion sur la définition. Qu'est-ce que l'intimidation? Hein, parce que c'est rendu pas mal fourre-tout comme concept. Tout le monde et son chat a été victime d'intimidation si on se fie à la rumeur populaire. D'ailleurs, la chroniqueuse Rima Ekouri en parlait dans son texte de jeudi et j'aimerais m'unir à elle et joindre ma voix à la sienne afin de dénoncer l'abus du concept d'intimidation dans nos sociétés. Comme elle l'a dit si bien, le mot intimidation n'a jamais été autant galvaudé et une galvaude, c'est assez dégueu quand on y pense. Hein? Une poutine avec du poulet puis des petits pois, franchement. Est-ce que j'intimide les galvaudes quand je dis ça? Est-ce que j'intimide les petits pois, puisque nécessairement les petits pois sont petits, donc facilement intimidables? Vous voyez comment c'est rendu n'importe quoi l'intimidation? C'est fou, hein? C'est fou. D'ailleurs, la ministre de la Famille elle-même ne semblait pas trop comprendre le sens de l'intimidation quand elle estimait que de klaxonner une vieille dame qui traverse trop lentement une rue, c'est de l'intimidation. Et là, il y a un problème. Peut-être qu'il y a trop de madame qui traverse la rue, ça c'est une autre histoire. Et que dire de cet autre ministre qui affirmait que de mettre des autocollants sur des voitures de pompiers de police, c'était de l'intimidation? C'est jambon peut-être, c'est infantile sûrement, mais ce n'est pas de l'intimidation, à moins que les voitures pleurent en silence la nuit. Lorsqu'elles s'endorment dans leur garage. Et que dire du représentant de l'Association des retraités de l'enseignement qui prétend que de dire que le vieillissement de la population coûte cher à la société est une forme d'intimidation? Sincèrement, je me pose de réelles questions sur le concept d'intimidation. Moi-même, qui a déjà été traité d'enfant de chienne sur les ondes de cette émission... Par qui? N'aurais jamais l'idée de prétendre avoir été intimidé. C'est sûr que venant de vous, Jean-Philippe, l'insulte ne peut pas vraiment être intimidante. Hein? Quand vous avez les cheveux mouillés, vous ne m'arrivez pas à la cheville. Mais il est là, le grand dame, Jean-Philippe. Quand on met du poulet et des petits pois sur l'intimidation, on en oublie les réelles victimes. Rima Ekouri offre d'ailleurs une excellente définition de l'intimidation. Tout comportement visant à faire peur à quelqu'un en imposant sa force ou son autorité, souvent par du harcèlement ou des menaces. Prenons par exemple le docteur Barrette. Je sais que lui-même est victime de blagues douteuses sur son omnipotence, mais à voir comment il a remanié son ministère pour qu'il en devienne un roitelet à qui on ne pourra s'opposer sans risquer de perdre son emploi, me semble que ça ressemble pas mal à de l'intimidation, ça. Et si ce n'était que ça, mais notre ministre ventripotent ne rechigne pas à insulter ses adversaires comme il l'a fait cette semaine en traitant l'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert, de menteur et de démagogue. Et le docteur Barrette va ensuite venir nous faire des leçons d'intimidation? Je ne pense pas. Et que penser de tous ces ballons qu'envoie le gouvernement Couillard depuis qu'il est au pouvoir? Toutes ces menaces de fermeture, dictature, de service aboli, ne serait-ce pas une forme d'intimidation collective, ça aussi, hein? D'ailleurs, au nombre de ballons que les libéraux envoient, je ne serais pas étonné qu'un proche du parti soit propriétaire de l'usine de ballons et qu'il s'enrichisse sur notre dos. Ce ne serait pas la première fois, rappelons-nous, des tableaux interactifs dans nos écoles. Vraiment? Pour l'instant, ce gouvernement n'est pas très bien placé pour nous faire la leçon sur l'intimidation. C'est comme demander au Parti québécois de présider un forum sur l'avenir. D'ailleurs... D'ailleurs, je suis conscient que les... Excusez-moi, M. Bilodeau. Je suis conscient que les finances publiques ne sont pas en santé au Québec. Hein. On sait tous comment les 18 mois de gouvernance péquiste nous ont mis dans la fiente après les 9 ans du gouvernement Charest. Lui qui avait si bien assaini les finances publiques à un point tel qu'on pouvait payer 30% de plus cher nos travaux publics tellement nous nagions dans les surplus. Je sais que le gouvernement doit faire des choix difficiles et qu'il ne peut pas intimider tout le monde en même temps en les menaçant d'austérité. Il doit faire des choix. Et c'est pourquoi tous ces Québécois qui ont mis 3,5 milliards de dollars dans des paradis fiscaux ne sont pas trop inquiétés pour l'instant. J'en appelle donc au gouvernement de se montrer équitable et de ne pas intimider que les plus faibles. Je rêve du jour où il intimidera les plus riches également afin d'aller chercher nos petits pois cachés dans les paradis fiscaux. Ah, oh, mais c'est si beau! Oh. Merci, Fred Savard. Ah, la voilà la recette de Jean-Sébastien. Jean-Philippe. Oui, Jean-Sébastien, vous nous cuisinez. Mais écoutez, d'abord, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue le 23 septembre dernier. Les gens réagissent de plus en plus à mes recettes. D'ailleurs, je vous invite à me faire parvenir les recettes dont vous êtes nostalgique, le vrai manger de l'époque quand vous étiez plus petit. Ouais, ouais. J'ai reçu donc un courriel de Mme Chloé Paquette qui va comme suit. À chaque recette de bon manger, je suis impressionné par tant de mauvais goût, mais avec votre recette de Kraft Dinner, j'ai été quelque peu déçu. Voici la mauvaise bonne recette avec du Kraft Dinner que mon frère, ma sœur et moi adorions manger chez ma tante Rinalda. Enfin, ah, du Kraft Dinner avec une canne de boulettes de viande cordon bleu avec la sauce, tout ça mélangé. Quand tu oses préparer ça à la maison en présence de ta douce moitié, ta relation est solide. Merci d'être ce que vous êtes mon boys brand préféré. Mon boys brand? Mon boys brand. Elle a fait une faute, elle voulait sûrement dire mon boys Ben, elle a dit brand. Alors évidemment, Jean-Philippe, je me suis dit, ça peut pas faire autrement que d'être bon. Pour vrai. Alors, j'ai essayé la recette que je vais offrir à Christiane parce que Christiane, vous adorez deux choses dans la vie, le Kraft Dinner et la sauce brune. Non, mais pas la sauce dans... Ça me dérange pas les boulettes, mais pas la sauce dans la boîte, là. Oui, la sauce, les boulettes cordon bleu, je vous en ai fait chauffer. Parce que je vais en profiter pendant qu'il me sert pour dire ma recette de Kraft Dinner. Ah, allez-y. Mais c'est juste que tu mets pas le lait. Tu mets... Juste tu la remplaces poudre. Le lait par du beurre. Oh, tu mets Dieu, assez de beurre pour diluer la poudre de fromage. Ah, ben oui. Non, je vous le jure. Mais c'est pas c'est vraiment bon. C'est pas un peu gras. Mais, alors, je vous invite. Mais non, mais j'ai plus mangeable, le Kraft Dinner. De toute façon, ils ont changé la recette, c'est sûr. Ah, ils ont changé la recette. Les pâtes anises, c'est bien meilleur. Voulez-vous donner une cuillère à Emmanuel? Non, merci. Vous voulez pas partager, Emmanuel? Donc, c'est un Kraft Dinner auquel on a ajouté une canne de boulettes cordon bleu. Je pense que vous allez aimer ça pour vrai. Ça manger pour ça. Très bon. C'est pas chaud. C'est beau. Ben, c'est tiède. On vient de faire. Alors, évidemment, ils ont changé la recette de Kraft Dinner. C'est que la mine de fromage en poudre était située en Océanie. Et là, maintenant, c'est en Afrique, je crois. Et c'est pas tout à fait le même minéraux dans le fromage en poudre. Moi, je trouve ça bon. Je trouve ça délicieux. Oui. Pour vrai. Ah. Oui, c'est bon. Il est bien meilleur que le dernier Kraft Dinner que j'ai fait. Voyez-vous, ça ajoute une petite valeur ajoutée. Oui. Bon. Évidemment, ça sera le prétexte pour moi pour vous parler du fameux ragoût en canage de cordon bleu. Est-ce que vous connaissez ce ragoût-là? Est-ce que vous en avez Vous en avez mangé, Emmanuel Bilodeau? Beaucoup, énormément. Et c'est bon. Et il y a beaucoup de gens qui en mangent encore parce que visiblement, on m'a indiqué chez Cordon Bleu que c'était encore le pilier de l'entreprise. On en vend encore beaucoup. Alors, pour savoir l'histoire de cette boulette-là, on remonte en 1933, début de l'aventure des aliments. Oui, mais Cordon Bleu, Christiane, on est en pleine dépression. J'ai la bouche pleine. Oui. Un entrepreneur qui s'appellera J. René Ouimet qui décide de mettre sur pied une entreprise de distribution. Il va distribuer, entre autres, du fromage. Le fromage Château. Je ne sais pas si vous avez connu le fromage Château. Le fromage Château, un fromage européen qui distribuait à l'époque. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont connu le fromage Château? J'ai un ami qui est dans la salle qui est très, très vieux. J'imagine que le fromage Château ici, c'est quoi? Non, mais il y a une cinquantaine d'années, alors j'imagine que... Il va obtenir aussi un peu plus tard la distribution des produits Hellmann, la mayonnaise, Christiane Charette, que vous adorez. Avec le temps, évidemment, c'est vrai. Ils vont faire l'acquisition ensuite des pâtés cordon bleu, mais ce qui nous intéresse vraiment ici aujourd'hui, c'est 1952. Monsieur Ouimet s'en va faire un voyage dans les Laurentides, c'était loin à l'époque. Il revient, c'est vrai, il était pogné dans la neige, il a dû dormir chez un cultivateur qui était situé à Sainte-Adèle. Il a mangé un ragoût de boulette sur place. Il est revenu en disant « On devrait mettre en conserve du ragoût de boulette. Ça fait partie vraiment de l'ADN des Québécois. » Il est revenu à la maison, il a dit à sa mère « Maman, je vais avoir votre recette. On va la mettre en canne. Maman. Maman, et on va faire un succès bœuf avec ça. » Et c'est ce qu'il a fait. Et à l'époque, à l'usine, on faisait ce ragoût-là à la main. Mais ça, là, avec ce que tu m'as donné, c'est oui. du vrai... C'est le vrai de vrai cordon bleu. C'est pas de la bonne... Ça goûte la saucisse un peu. Ah non, c'est pourtant... Non, mais pourtant il est bon, le... il est super bon. Regardez-vous pas, Jean-Sébastien n'a pas amené de la bonne nourriture qu'il a fait chez lui, c'est sûr, c'est du canard. Voulez-vous donner un ustensile? Moi, je mange santé. Oui, mais écoutez, bon, alors pendant que Jean-Sébastien donne des ustensiles... Ah, mon Dieu, c'est clair. Il y a du docteur Ballard. Est-ce que vous savez... Ah non, c'est du cordon bleu, non, c'est du pâté à sandwich. C'est du Paris-Pâté, parce que Paris-Pâté appartient maintenant à cordon bleu, j'y reviendrai une autre fois. Il y a 0 g de sucre là-dedans, c'est quand même... Bon, voyez-vous? C'est pas si pire. C'est parce qu'il y a 600 g de sel pour un dixième de cuirassé. 900 mg de sel quand même. Mais 38%, on a comme 100% de notre sel de la journée, il faut qu'on est débarrassé après. Là, pour le restant de la journée, on n'est pas obligé d'en prendre. Ça, c'est bien. Oui. Et c'est devenu extrêmement populaire à partir des années 52-53. Pourquoi? Parce que Cordon Bleu a signé un contrat d'exclusivité publicitaire à l'émission Toi et moi avec Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse. Pendant cette émission-là, on voyait souvent une cuisinière sur un poêle à bois en train d'ouvrir une canne de ragoût cordon bleu, et on a un extrait de cette pub-là. Nom de Dieu. Oui, madame. Toi et moi, en musique, vous est présenté par J. René Wimette Limité, distributeur exclusif des produits cordon bleu. Il y a un produit cordon bleu pour toutes les occasions. La sauce piquante ou hot chicken cordon bleu. La sauce barbecue par excellence rehausse la saveur de toute viande chaude ou froide. Les sardines cordon bleu. Les sardines véritables non fumées, importées directement du Maroc. Le ragoût de boulette cordon bleu. Est préparé selon une recette traditionnelle de nos grands-mères. Oui, vraiment, il y a un produit cordon bleu pour toutes les occasions. Formidable, hein? Ah, ça a l'air délicieux. Ça sent super bon. Et 10 ans plus tard, ils ont mis sur pied ce qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est le ragoût avec les petites boulettes de patates. Vous en avez ici, ah. Je vous en ai apporté. Délicieux. C'est délicieux. Et là, bon, j'ai eu une entrevue avec le directeur des communications de l'entreprise. Il me dit, bon, évidemment, on a vraiment un consommateur type, c'est-à-dire, c'est l'accro, celui qui en mange à chaque semaine, qui est un peu nostalgique, qui a vécu beaucoup son enfance dans ces produits-là. Et qui ne dérange pas de mourir jeune. Bon, faut arrêter donc vos niaiseries. Et il dit, évidemment, aujourd'hui, ceux qu'on veut cibler, ce sont les jeunes. Parce que, spontanément, un jeune de 22 ans ne va pas aller s'acheter du ragoût cordon bleu. Or, c'est drôle qu'on parle de ça maintenant parce que dans 2 semaines, il y a tout un battage publicitaire autour des boulettes, une nouvelle campagne publicitaire de cordon bleu qui va s'appeler Pimp ta boulette. Non, c'est pas vrai. Et je le jure que c'est vrai. Mais c'est pas vrai, Jean-Sébastien. Je vous le jure, Jean-Philippe. Et on va proposer aux gens d'ajouter une canne de cordon bleu dans d'autres recettes. Par exemple, dans une pizza. Donc, ah on fait une pâte à pizza. Oh, on met du ragoût, on met bon, du fromage. On peut en mettre dans un pain sous-marin. On en a déjà dans certains... Dans un crabe viennois, c'est bon. Il n'y a pas de protéines dans le crabe viennois. Il y en a plein. Et hey, Christiane, c'est vrai, Christiane, il a raison. Il ne goûte pas, mais c'est vrai. Tout ce qu'il dit. Ça a l'air bon, je trouve. Ça a l'air bon. Et Christiane, bon, le bout du bout, ouais, ce qu'on nous propose, et ça va être la première publicité, on nous propose de faire de la poutine avec le ragoût. C'est-à-dire qu'on se prend une frite, du fromage, on met le ragoût. Donc, ça devient c'est une espèce de poutine norvégienne, si vous voulez. Et Christian, je vous en ai préparé une. Pour vrai. Oh, mon Dieu, wow! Seigneur. Oh, non. J'espère qu'elle est chaude. Vous avez des frites, du fromage et une canne de ragoût de boulettes cordon bleu. C'était mieux de prendre une photo, les gens et le croiront pour pas. Pour vrai, il n'y a rien de meilleur. Non, mais ça va être bon. Moi, je viens de manger une boulette, ça me rappelle mon enfance. Au bout. Manuel, mange-en de la poutine. Non, je l'ai mangé, je l'ai mangé. Pendant que vous mangez ça, Christian... Wow. Christiane, pendant que vous mangez ça, on va écouter Paul Berval à la casou nous chanter les mérites de la boulette cordon bleu. Les délicieux ragoûts de boulette cordon bleu, ils sont si simples à préparer. Les savoureux de boulette cordon bleu, il y a du bon, des sardines avec du bon, ils ont ce plein, j'ai le goût, de l'inchat. Il a aussi été appelé à analyser le cas Luca Rocco Magnotta, un gars qui est pour le moins... Il est pour le moins fort étrange, n'est-ce pas? Il a manifesté des comportements déraisonnables, un peu comme la sanction de 5 ans que, pour laquelle je viens d'être un peu exonéré là, sur 5 fils. On peut dire que c'est un comportement déraisonnable. Et oui, ce que Magnota a présumément fait est aussi déraisonnable que de radier notre bon docteur pendant 5 ans. Excellente comparaison. D'ailleurs, Mayu avait été radié en raison de ses propos sur les Noirs, et ce, même si on a maintenant la... Bon, en même temps, un ami noir, tu le choisis, un frère noir, t'as pas trop le choix, là. Moi, j'ai un frère intolérant au gluten, puis ça veut pas dire que j'aime le pain qui goûte le carton pour autant. D'autre part, avec les nombreuses rumeurs de coupures annoncées, puis désannoncées cette semaine, les commentateurs se sont entendus sur un coupable, la machine. Ça fait partie de la technique de la machine qui veut s'auto-protéger. Il y a le fonctionnaire qui a pensé à ça, il protège la machine. Grosse machine, gros gouvernement, une tonne de fonctionnaires, plein de programmes qui avantagent souvent la machine elle-même. Coupez-les les subventions à l'école privée. C'est la machine à qui vous le suggérez. La machine n'est pas folle. Elle a un plan derrière la tête. Bon, les effets spéciaux sont de moi en passant. Oui, la machine a un plan derrière la tête, un plan que veut contrer Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec, qui sera candidat dans Lévis, parce que c'est rendu que la machine ne permet même plus à un couple de la classe moyenne de survivre. Pas, ils font 80 000 les deux ensemble, puis ils arrivent pas. Ben, moi je leur dis, ben, ça se comprend, il y en a un de vous deux qui travaille à temps plein... Pour nourrir la machine. Pour payer des taxes. Alors, aujourd'hui, un Québécois moyen travaille... est en esclavage fiscal jusqu'au 14 juin. Eh oui, vous êtes tous des esclaves fiscaux, sauf Jean-Sébastien qui ne gagne pas assez d'argent pour payer de l'impôt. Sinon, il y a Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec qui s'est un peu moqué des stratégies du NPD qui sort dans les rues pour manifester contre Israël, mais pas pour dénoncer le groupe État islamique. Suivons son raisonnement qui part d'une manifestation qui finit avec une chanson de Joël Denis, mais on va peser sur Fast Forward dans le milieu, si vous permettez. Qu'est-ce que le NPD propose? Une pétition? Une marche dans les rues, tout le monde en blanc. Tu sais, le boucher qui décapite du monde, là. Il voit 500 NPD dans la rue habillé en blanc, il fait comme je décapite-tu ou pas, là? Hé, j'ai la chienne, là. Est-ce que Thomas Mulcair est en train de signer une pétition? C'est bon, je dépose mon couteau. C'est terminé! Une pétition du NPD! Il y a quelqu'un qui tient un couteau qui veut trancher la tête le cou d'un autre. Quelle est ta solution? La paix! Ben c'est ça! Va-t'en dans une chambre d'hôtel pendant 24 heures comme John Lennon, chante une tourne avec Joël Denis. Je pense que l'État islamique va dire, on va faire un beau message, une belle vidéo. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un coup tranché, ça va être devant le NPD qui chante des tunes dans un hôtel à Montréal avec Joël Denis. L'État islamique dépose les armes, c'est terminé. Eh oui, mon islamiste radical, je l'ai connu là-là en dansant le ya-ya en han. Par contre, lorsqu'il a dit à Thomas Mulcair dans sa face que le NPD ne devrait pas manifester contre Israël, mais contre l'État islamique, ça s'est moins bien passé. C'est une affirmation très grave que vous venez de faire là. Pourquoi grave? Parce que ce serait contraire à notre politique qui est très, très publiquement exprimée, que nous sommes en faveur de la pleine reconnaissance du droit d'Israël de se défendre. On veut un État palestinien à l'intérieur de frontières sécuritaires, mais vous venez d'affirmer une chose qui est fausse. Non, il n'y avait aucun député dans... J'étais convaincu, honnêtement, je m'en excuse. J'étais sûr que quand je vois tous les syndicats, puis Québec solidaire, puis des gens du PQ, etc., souvent on voit l'NPD côte à côte. J'accepte vos excuses, M. Bouchard. Oui, Sylvain Bouchard est rendu mêlé entre sa réalité et la réalité. L'auto-brainwashers, ça fait partie des risques du métier. Enfin, si quelqu'un ici pensait se présenter à la course à la chefferie du PQ, Jean-Lapierre a quelques conseils pour vous. Qu'est-ce que ça vous prend, vous pensez? Moi, j'y pensais, moi. Lui, il ne faut pas qu'il se mêle de rien. Faut pas qu'il... Excusez-moi. D'abord, ça prend un contact. Faut pas qu'il en sache trop, lui. Lui, c'est lui qui répond au directeur général des élections. Ah. C'est ça. Ça prend un comptable qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Et ça prend aussi un organisateur qui va s'occuper de votre madame. C'est l'organisateur qui dit tu sais quoi à ta femme. Là, tu ne l'énerveras pas. Mêle-toi pas de la campagne. Toi, là, quand tu vas chez vous, quand tu s'en vas à la maison, il faut qu'il y ait des pantoufles chaudes, que leur pas soit prêt. Puis là, tu vas l'isoler. Énerve-la pas. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la politique au 19e siècle. Merci, Olivier Niquette. Jean-Sébastien Girard. Oui, plusieurs courriels pour Christiane et pour Emmanuel. Le tout premier vient de Mme Lélise Roy, qui s'adresse à Emmanuel Bilodeau. D'après vous, qui fait la meilleure job entre Christiane Charrette et Catherine Perrin à 9h le matin? Pauvre toi! Chacun la faisait la meilleure au moment où il la faisait. Ah, ça, c'est une belle réponse. Merci. Vraiment. Il faut dire que Catherine est arrivée. C'est très différent. Ben oui, Catherine. Non, mais c'est très différent. Ils n'ont pas le même mandat, en plus. Ils n'ont même pas le même mandat, les deux. Fait que ils sont très différents. Ils sont excellentes dans leur style respectif. Il y avait le style mélangé et le style préparé. Deuxième question. Est-ce que vous seriez game, Emmanuel, de mettre en scène PKP aux prochaines élections comme des gagnés l'a fait avec Pauline? Êtes-vous malade? Non, je m'implique pas à ce niveau-là en politique. Moi, je fais ma politique moi-même en humour, là, mais je vais pas mouiller de mise en scène. Non, j'ai pas ce talent-là. Auriez-vous fait la même mise en scène avec Pauline que Yves Desgagnés? La mise en scène de quoi? De la dernière campagne électorale. En général, de Pauline, de son linge, de ses cheveux. Yves Desgagnés n'a pas mis en scène la campagne. Il a aidé Pauline Marois à être meilleure. Je pense qu'il était là comme pour le diriger. On le reçoit demain. Hein? On va y poser la question. Avez-vous une question pour Yves Desgagnés qu'on pourrait poser? Pour Yves Desgagnés, comment il va? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Juste le prendre en note. Mais c'est lui qui m'a choisi à l'École nationale de théâtre. Moi, je l'aime au bout. Comment il va? OK, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? C'est déjà tout pour notre première heure. Emmanuel, vous pouvez rester pour la deuxième, hein, si vous n'avez pas un souper. C'est gentil, les enfants qui m'attendent pour... Je suis désolé. On va aller vous voir dans votre spectacle un peu partout au Québec. Vous commencez votre tournée bientôt, là. Comment ça s'appelle, Brian? Ah, ben bonne tournée, merci Emmanuel Bilodeau. Merci. Bonne continuation. Merci, Emmanuel. Alors, on est de retour pour la deuxième heure de la soirée est encore jeune en compagnie d'Olivier Niquette, Fred Savard, Jean-Sébastien Girard et Christiane Charrette, évidemment. Je vous rappelle qu'on aura vu ou pas la nouvelle pièce de Fabien Cloutier pour réussir un poulet. J'ai adoré, je le répète. Moi aussi. Des réserves, j'ai beaucoup aimé. Je vous haïs. C'est en continuité avec... OK, arrêtez, Jean-Sébastien. Je suis convaincu que c'est vous qui ne l'avez pas vu, anyway. Le droit du concept de cette affaire-là. Le droit du concept? Non, c'est ça, tout le monde. Bon. Non, c'est moi, je le dis. C'est vous qui l'avez trouvé, cette affaire? Oui. Non, mais ça, c'est vraiment brillant. C'est vraiment bon, On a pensé faire un deux heures de vue pas vue. Juste faire ça comme émission. Non, pour vrai. On se dit, regarde, on va regarder ce qui fonctionne. Tu sais, la connerie de Fred, c'est moins ça. Olivier, ça devient redondant. Alors, le vue pas vue, c'est original. On aime ça. Est-ce que, Olivier, on a des réponses à notre question du jour? Oui, on rappelle la question. À part les trottoirs chauffants, à quoi d'autre aimeriez-vous que votre ville rêve? D'abord, on a Damien qui dit, je préférais qu'elle se réveille. Mais sinon, qu'elle rêve donc à des transports en commun électriques. On a aussi Paquette qui dit, après Québec qui se construit le plus gros aréna Pee-wee au monde, on pourrait rêver au plus gros stade de baseball Bantam. C'est une belle idée, ça. Et Louis-Philippe qui dit, des glissades d'eau dans les égouts comme dans les Ninja Turtles. Ah, c'est sûr que vous avez choisi de lire. Oui. Eh bien. Ah bien, merci beaucoup, Olivier. J'aimerais noter ici, on a reçu un message de Dominique Lapointe, qui est un auditeur, qui est venu assister à l'enregistrement au Helm, et il note ceci. Nous sommes partis de Ottawa pour... il dit de Ottawa, lui. C'est spécial. Ouais. Alors, nous sommes partis de Ottawa pour venir assister à l'émission ce soir. Du fond du bar, nous n'entendions rien. Alors, nous sommes repartis. Alors, on est franchement désolés. J'espère qu'il nous écoute dans la voiture en remontant vers Ottawa. Parce que vraiment, c'est deux choses tristes, hein? Pas pouvoir assister à la soirée et vivre à Ottawa. Oui, c'est ça. Franchement. Alors, la prochaine fois, venez nous voir, M. Lapointe, et on va vous asseoir directement à côté de Christiane, n'est-ce pas? Oui. C'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai, on a tout ça. Non, mais c'est pas vrai. C'est tout écrit, ça. C'est une joke. Non, je vous dis, il y a des gens qui ont quitté, ils n'entendaient pas bien, Christiane. Mais voyons, comment ça. Entendez-vous, au fond? Dans la salle, est-ce que vous entendez? Les gens disent non. C'est mitigé, mais les gens ont tellement de plaisir, Christiane, là. C'est vrai. Faut pas leur dire de pas venir, vous comprenez? Non, je ne dis pas ça. Venez. Plaignez-vous, mais venez. Non, on va travailler là-dessus. D'ici Noël, ça devrait bien sonner. Non, ça va sonner correct la semaine prochaine, on vous le promet. Et de toute façon, il y a une séance de photos avec Christiane Charrette à toutes les fins d'émission, 5 minutes comme ça. C'est pour ça que les gens viennent, hein, vous le savez. Est-ce qu'il y a de la circulation, Fren? Ben, je vous pose la question, mais en même temps, je pensais qu'il y avait un petit voilà. Ah, ben non, mais il est trop tard. Ben oui, puis la circulation, mon Dieu, mais on n'est pas capable de chanter comme du monde cette semaine. Il n'y a pas grand-chose, sincèrement. Au niveau circulation, c'est congestionné un peu partout sur Montréal à cause des manifestations des nids de poules. C'est Pablo HP qui nous écrit ça. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Saint-Ferrand des Neiges, aucun problème de circulation. Je vous écoute en travaillant tous les samedis, surtout lorsqu'il pleut comme aujourd'hui. Vous êtes sans aucun doute les quatre chevaliers de l'Apocalypse, de la SRC. Ça, c'est Pierre-Marc Gauvin. Compliment? Je l'ai lu quand même. Et pour la 40, là, il y a des entraves mineures à une quinzaine d'endroits. Je peux pas toutes les dire. Alors, les gens voulaient avoir de la vraie circulation. Ben, c'est ça. Sur la 40, il y a des entraves mineures. C'est souvent des cons, de ralentissement. Peut-être changer d'autoroute, faire la 20. Non, mais déménager à Montréal. Ça peut être le fun, la 20, puis même si on va à Québec, on traverse à Trois-Rivières. C'est un peu plus long, mais est-ce qu'on est pressé le samedi? Pas tant que ça. Ben, je vous remercie, Fred. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on fera d'autres circulations un peu plus sérieuses un peu plus tard. Peut-être. C'est le moment, évidemment, avec notre invité d'honneur, Christiane Charrette, qui voulait absolument parler de votre prochain... En fait, du livre qui vous a marqué cette semaine, le livre d'Alexandre Jardin. Ben, c'est pas... En fait, je ne l'aurais pas présenté comme ça, OK, on va recommencer à zéro. Non, mais c'est vrai. Alors, Christiane Charrette, vous nous parlez de quoi cette semaine? C'est ça. Exactement. Voilà. C'est exactement voilà. ça. Voilà. J'ai pensé que oui. Le livre d'Alexandre Jardin, qui est venu en tournée de promotion, vous ne l'avez pas eu comme invité? Non. Mais c'est dommage. Mais notre recherchiste n'est pas très, très au fait de la qualité. On a eu Denis Saint-Pierre à la place. Non, mais c'était bon. La mortadelle, j'ai vraiment aimé ça. Ah oui, ça, d'accord, d'accord. Oui. Mais Alexandre Jardin est venu ici la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ah, c'est belle qu'on l'ait porté. Son livre est publié, je ne sais pas s'il est publié, paru en France déjà, mais paru au Québec d'abord. D'accord. C'était son désir. Mais je pense attendre la traduction en France. Il y a déjà une traduction. Donc, ben oui. Non, tu blagues pas tant que ça. Non. À la fin, quand il y a des mots québécois, des expressions, oui, ils ont donné. Oh. Non, il n'y a pas un lexique. C'est juste en bas de la page pour pas qu'on ait à chercher longtemps. Okay. Et puis moi, Alexandre Jardin, pendant les années où je fais le métier d'intervieweuse, je l'ai interviewé souvent. Souvent, souvent, souvent, plus souvent que souvent. Ah oui, mon Dieu. Et je prétends quand même l'avoir suivi beaucoup. Alexandre Jardin de Fanfan, du Zeb, c'est pas trop, trop mon Alexandre Jardin préféré. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Ouais. Je l'ai interviewé déjà à Québec devant des jeunes filles qui étaient vraiment charmées par lui. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent, mais c'est pas là qu'il... Mais mon Dieu, Seigneur, c'est dur. Non, non, il y a plein de talent, mais c'est là qu'il... Mais les filles, là, à l'époque, rêvaient tous que nous soyons comme oui, ça. C'est vrai? Et c'était... moi, là, c'est une période de célibat très longue. Non, mais j'étais à Québec, au musée de la civilisation. Il y avait des filles qui attendaient en ligne. Ah, ouais. Puis elles le regardaient comme, tu sais, ça aurait été, je sais pas moi... un chanteur rock ou quelque chose comme ça. Alors, moi, Alexandre Jardin, que je préfère, c'est la personne dans son ensemble, ses particularités, sa passion, sa spontanéité, mais je l'ai beaucoup aimé quand il a dénoncé sa famille, ces gens-là, le régime de Vichy. Là, j'ai trouvé, en fait, une manière... Il a dit en entrevue à Thierry Ardisson quelque chose qui m'a vraiment frappée, parce qu'à chaque fois que je l'ai interviewé, je me demande pourquoi je l'ai interviewé si souvent. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Il fait quelque chose, il y a quelque chose que je ne pouvais pas l'attraper. Mais pourquoi vous vous obstiniez? Je ne sais pas, je le trouve sympa, je l'aime bien, mais il y a quelque chose qui m'échappait toujours. Et à un moment donné, il a dit à Thierry Ardisson, comment vous faisiez pour m'interviewer? Au moment de ces gens-là, où il a parlé de sa famille, où il a dit que dans sa famille, son grand-père, c'était des collaborateurs, il s'est mis sa famille à dos. Et là, il y avait, à mes yeux en tout cas, la vraie personne qui parlait pour vrai. Avec ce livre-là, ce que je pense, c'est que la vraie personne, c'est les deux personnes. Et il est revenu à ce côté que moi, là j'ai des préjugés, OK, je le dis. C'est correct. C'est ma couleur. Vous avez le droit. J'ai des préjugés, son côté farbleu, son côté le zèbre, son côté fanfan. Ouais, ouais. Moi, ça me touche moins, ça me rejoint moins, mais en même temps, il est ça pour vrai. C'est un romantique, il est revenu à ça, et c'est un amoureux fou du Québec. Alors, d'une certaine façon, j'ai envie de m'amuser, parce qu'en même temps, son livre, juste une fois, son histoire d'amour, on va coucher ensemble, juste une fois. Ah, c'est ça, le titre, Oui, c'est un gars... Voyons donc, franchement. C'est un pauvre fou. C'est dépassé. C'est un homme qui se rencontre à son mariage, que finalement, il est amoureux, c'est fulgurant, c'est la sœur de la mariée. Ah, ça arrive tout le temps, c'est ça. C'est elle. Levez la main à ceux que c'est pas arrivé. Je veux dire, franchement, là... il y a deux personnes, mais autrement, moi, ça m'est alors, arrivé. Alors, tous les deux, il dit « juste une fois ». Ah, voilà. On va le faire juste une fois. Ça fonctionne tout le temps. C'est mieux dit par Alexandre Jardin. Et c'est ça. Alors là, sa passion, c'est le Québec. Je peux dire, combien de temps j'ai? Là, parce que j'ai des affaires à dire. On a une heure. OK, ça va bien. Je l'ai déjà interviewé dans mes multiples entrevues avec lui. C'était à Paris, c'était en direct, c'était à la radio. Et il y avait sur le même plateau Michel Phil, l'animateur français, pour ceux qui le connaissent. Et en direct, Alexandre Jardin lui dit très sérieusement, et c'était vrai, c'était pas une blague, il lui dit, tu sais telle, bon, nous, on la connaît pas, elle, là, mais tu sais une telle, pendant qu'elle était ta maîtresse, ben moi, j'étais son amant. Il aurait fallu voir la face de l'autre pendant qu'il a dit ça. C'est sûr qu'on la connaît pas, là. C'est qui? Ben, je me souviens pas de son nom, on ne le connaît pas. Okay. Et en même temps, il a raconté que lui, il venait au Québec, puis il allait aux danseuses en Abitibi. Ça régulièrement. Ben, c'est une belle place. Mais c'est une belle place. Ça prend bien un français pour aller aux danseuses en Abitibi, il y en a partout. Mais il y a à d'autres baleines. Non, mais attends un peu, il aime le lac Masson, alors j'y arrive. Ah, voilà. Il adore le lac Masson, il a des amis, dont Marie Saint-Pierre, qui apparaît dans le livre, dont Guy Crevier, dont Benoît Brière. Qui n'est pas ami avec Guy Crevier. Il est amoureux fou du Québec, il appelle ça, bon, on ne lui a pas dit, malheureusement, il appelle ça la belle province. Moi, je lui aurais dit, n'appelle pas ça la belle province, c'est mal vu au Québec. Ça, et il écoute le 98.5, il lit Le Devoir tout le temps, 98.5. Ouais. C'est assez insultant, Red, ça. Ouais. Et il lit le très sérieux Devoir. Le Devoir. Alors, les deux références culturelles, c'est le 98 du Vogue 5 et le très sérieux Devoir. J'ai une petite question. Moi, c'est-tu le syndrome Alain Barrière? Il n'y a plus de carrière en France, puis il s'en vient ici. Mais okay. Non, c'est pas ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si les Français vont aimer son livre. Je ne sais pas ici ce qu'on en pense. Est-ce que je suis la seule à l'avoir vu? Ben, j'ai l'impression que personne ne l'a lu. Hein? Est-ce que vous connaissez Alexandre Jardin, Catherine, premièrement? Catherine, tu ne l'as pas lu? Non, j'aurais aimé ça avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Parce que non, mais j'ai un préjugé. Parce que autant je m'intéresse à Alexandre Jardin, qui pratique beaucoup l'autodérision et il y a un personnage est ami avec Alexandre Jardin. Il n'est pas personnage. Puis il dit des choses très méchantes sur lui-même. Alors, beaucoup d'autodérision, mais là, c'est cet amour du Québec et de la langue québécoise. Ah, ça fait 10 ans, dit-il, qu'il prend des notes. Ça a été revisé par des correcteurs sur notre manière de parler. Et ça m'apparaît un peu... En tout cas, vas-y, en préparant cette rencontre que nous avons aujourd'hui. Ben voilà, j'entendais en lisant des pages du livre, j'entendais Jean-Sébastien en lire des extraits. Alors, je lui ai demandé de le faire, puis il a accepté. Ah, c'est un homme de théâtre. Alors voilà. Oui, je viens du théâtre, comme Frédéric. Alors, en page... Page 31, c'est une conversation avec deux jeunes filles sur un radeau. Et y a donc, la narration qui est dans un français normatif et les dialogues en pseudo-québécois. Alors, ça va comme suit. Ce matin de l'été 2001, Anna pilotait son hors-bord sur le lac Masson, navigable mais d'aspect sauvage, en compagnie de Kiki qui lui montrait avec exaltation ses seins refaits, onéreux et succulents. Une réduction mammaire impeccable qui ne manquerait pas d'éblouir le galant qu'elle envisageait. Kiki ne renonçait à aucune dépense lorsqu'il était question de l'essentiel. C'était un privilège de son insouciance de toujours anticiper une foucade, une intrigue revigorante à nouer. « Je vais l'avoir, ce gars-là, parce qu'il est marié puis qu'il pense qu'il est fidèle. Ça presse. Je te gâche qu'il va dire oui. Kiki, le désir a pas tous les droits. Si, ma chérie, je mettrais bien mes pantoufles à côté de son lit. Tu me niaises-tu? Anna, on est mieux d'aller où notre cœur nous porte. Sais-tu quoi, Kiki? J'ai pas le goût de me chicaner. Des déclarations de même. T'as juste pas d'allure, des fois. M'enrage pas. » Alors, mais le nombre de fois que j'ai séduit une fille en lui proposant de mettre mes pantoufles à côté de son lit. Mais c'est parce qu'il n'a pas lu assez pour qu'on voit le décalage qui est formidable. C'est le décalage. C'est tous ces gens qui arrivent inopinément. C'est les descriptions du lac Masson. Et c'est ce décalage incroyable entre une langue un peu vieillotte. As-tu remarqué dans les passages choisis? Jean-Sébastien, oui, as-tu remarqué dans les passages choisis? Ça m'a sauté aux yeux. Ce décalage ça incroyable. Ça m'a choqué, là. Entre français vieillot, criait tantôt québécois avec le livre dans les mains. Criait Jean-Sébastien. Je hurlais. Lisez-en une petite phrase avant. Un autre extrait? Oui, oui. Moi, cette proposition tripante-là, elle me fait capoter, même virer folle. Ah. Si ça arrivait juste une fois, ça me donnerait espoir en l'amour éternel au moment où, avec André, trois petits points, je m'ennuie bien des fois. À soir, il regardera ni ma face, ni mes fesses, ni mes boules, alors que j'ai investi 10 000 piastres dans une paire de seins toutes neufs. Pire, il montrera même pas ma brassière. Ça n'a pas d'allure, cette distraction. Je me sens chez nous. Okay. C'est pour vous dire, hein? Va à la page 43. 43. Vas-y, à la page 43. Une dernière. C'est fondamental. C'est Kiki qui parle? Ah, j'ai aucune idée. Page 43. Je ne l'ai jamais lu, page 43. Louise avait fait venir César. C'est une lecture à première vue. Page 43. Louise avait fait... Vas-y, Jean. Voilà. Vas-y. Sur la suggestion de la partie du bas? Louise avait fait venir César au bar de son lac, car on nie... Ouais. Sur la suggestion de Raphaël, Louise avait fait venir César au bar de son lac, car on y séjournait à la belle saison sur un fond de société insouciante, bienveillante, d'une gaieté jamais rompue. C'est nous, ça, c'est nous, c'est nous, c'est nous, nous sommes des cris. Jamais rompu. On n'y a pas la rage du dénigrement comme à Paris. C'est nous. Le ton général des amitiés croisées est vif, souvent rieur. Dans la belle province, aucune humeur tragique ne forme la texture de la vie. L'arrière-fond de la culture. C'est nous! Quand je vous le dis. Cette région du globe fut toujours épargnée par l'âpreté des guerres modernes et les morts en série. OK, les djihadistes, ne venez pas ici. Mais non. Loin de l'humanité, pullulante sur les plages, l'été québécois, quelques mois volés au froid, a une saveur toute particulière, enivrante, précieuse et légère. César avait dit oui okay, pour que ça déprime, ça prie, etc. C'est, ouais, voilà. Ça va être ça, hein, par exemple. Et ainsi. Alors, oui. Je pense que, grâce à Jean-Sébastien Girard, nous avons une idée assez claire du ton du livre et l'histoire... C'est tellement vrai ce que vous dites, Christiane. Et en même temps, si vous aimez Alexandre Jardin, il est à fleur de peau là-dedans. Il est vraiment totalement lui-même. Puis il a le sens de l'humour à son sujet. Alors moi, je suis ambivalente, mais quand même, c'est sympa. Ça s'appelle Juste une fois, mais vraiment, on peut quand même en rire. Alexandre, on rit avec toi. Alors, merci, Christiane. Chez Grasset. Chez Grasset. Là, on va aller parler d'un vrai bon livre. On accueille notre deuxième invité. Au micro tous les jours à 9h sur nos ondes, elle occupe toujours son médium largement. Accueillons Mme Catherine Perret! Catherine Perrin. Jean-Philippe Vautier. Merci de venir nous voir. Ben, ça me fait plaisir. Vous allez passer, je sais pas, là, on va changer de ton un peu. Ah, mais en fait... Ça me fait peur, je sais pas. À quel prisme vous allez passer ça? Moi, je vais lire des extraits en ridiculisant. Ah, oui. Okay. J'ai hâte. Oh mon Dieu. Écoutez, ça part bien quand même. Non, mais Catherine, vous venez ici parce que vous venez de publier, en fait, Une femme discrète. Oui. Qui est le récit, en fait, vous racontez l'histoire de votre mère. Oui. Et, bon... En fait, vous commencez ce récit-là en nous racontant la mort de votre mère qui s'est passée il y a un peu plus de 2 ans. Donc, on est en mars 2012. Et donc, vous publiez ça chez Québec Amérique. Et j'ai lu le livre, Catherine, et c'est un peu... vous m'avez fait brailler. Puis, je suis très honnête. Je suis très bon dans le pleurage. Je pleure beaucoup dans la vie. Et pourquoi vous voulez nous faire pleurer avec un livre comme ça? J'ai trouvé ça, c'est beau, c'est touchant. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire pendant 10 minutes à Catherine alors que j'ai juste envie d'en lire des passages puis qu'on braille en groupe? Ah ben, je suis pas sûre. C'est une belle histoire. En fait, je le lisais puis je me disais, bon, est-ce que c'est une histoire triste ou c'est une histoire vraie? Je me demandais, c'était quoi? C'est une histoire triste, c'est une histoire vraie. Mais c'est une histoire d'amour, même s'il y a des bouts tristes. Alors, je voulais pas... Le but n'était absolument pas de faire pleurer les gens. C'est raté. Puis moi, j'étais pas en train de pleurer en l'écrivant. J'étais en train de me libérer, peut-être, aussi. Hein? Ouais. C'est sûr que c'est un peu faire un deuil, écrire quelque chose comme ça. Puis j'étais en train d'enquêter. Ça, c'est l'autre bout de l'affaire qui ressemble peut-être plus à ce que je fais tous les matins en faisant de la radio, poser des questions à des gens pour mieux comprendre quelque chose, puis essayer tranquillement de rassembler un casse-tête, parce que quand maman est morte, il restait comme un genre de casse-tête à rassembler à propos de sa vie. Ça s'en vient trop sérieux. Non, vraiment pas. En fait, vous savez... parenthèse, est tellement jolie, sa mère. Oui, la photographie sur la page couverture est tellement jolie. Vraiment jolie. Belle. Elle avait 20 ans pile. C'était dans un lac au bord d'un lac des Cantons de l'Est. Ouais. Justement, parlez-moi un peu de ce que vous avez voulu faire avec ce livre-là, parce que, je le rappelle, j'ai ouvert le livre et je me suis dit, bon, je vais avoir le récit de la mort d'une femme que je ne connais pas, qui est racontée par quelqu'un que je connais quand même. Et je me suis dit, bon, je vais voir où est-ce que je vais aller avec ça. La troisième page, pas de blague, j'étais assis, j'attendais d'acheter ma vignette de stationnement. C'est pour vous dire comment c'est pas glamour, là. Et les yeux ont commencé à mouiller à la troisième page. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi me raconter ça à moi? Pourquoi vouloir raconter ça? Parce que... C'est l'histoire de la vie de votre mère, l'histoire de votre enquête. Vous parlez beaucoup de votre famille et je me dis, pourquoi le publier at large? Pourquoi le rendre public et pourquoi pas le publier seulement à votre famille? Je comprends, mais je me demande, c'était quoi cette démarche-là? Je parlais un peu d'une enquête, c'est qu'il y a des choses que je voulais comprendre parce que maman, qui a eu une vie pleine d'amour, une vie assez lumineuse, avait comme en parallèle avec ça un corps qui souffrait beaucoup, beaucoup. Ouais. Et je voulais comprendre pourquoi. Il y a un morceau de ça qui s'est dévoilé, qu'elle nous a dévoilé quelques années avant de mourir. Et ce morceau-là pouvait expliquer beaucoup des souffrances de son corps. Et c'est là l'enquête. Et pourquoi le rendre public? C'est une excellente question. Parce que je pensais que tous ces morceaux qui se mettent ensemble, ben, il y en a un à quelque part qui pouvait parler à... peut-être à ma voisine, un autre qui pouvait parler au cousin d'un gars qui travaille à Radio-Canada, puis l'autre. Et je me rends compte, mon grand bonheur, c'est que c'est ça qui est en train de se passer. Je reçois des réactions de gens, des hommes, des femmes, un homme de 67 ans, des très jeunes filles, qui ont vraiment trouvé chacun une porte là-dedans. Il y a un des morceaux du casse-tête qui leur ressemble, qui fait partie de leur histoire à eux. Puis là, l'ensemble du casse-tête fait que tout d'un coup, ils me disent... Ah, ben oui, ça m'a fait du bien. Alors, c'était vraiment parce que maman a toujours voulu être utile dans la vie, se rendre utile, même si c'était une femme très, très discrète. Puis, je pense qu'elle est en train de, de se rendre utile. Ben, elle l'a toujours été, on comprend, tu sais, puis on comprend aussi que quand elle vous a quitté, je lisais dans un de... Vers la fin du livre, en fait, vous relatez, vous avez ramassé tous ses journaux intimes, en fait, et vous avez fait une recension de tout ce qu'elle a vécu au courant des dernières années, et puis jusqu'en 2005, où est-ce que le dernier mot qu'elle a écrit de sa main, ouais, et qu'elle a signé d'ailleurs, c'est les souhaits, en fait. Elle faisait des souhaits. Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Et c'était de se rendre utile. Oui, mais ça, Jean-Philippe, là, c'est fou, parce que c'est juste après avoir... Depuis que le livre est sorti. Ouais. Parce que avant ça, quand j'avais laissé ça, j'étais sûre que c'était la fin du livre, ce fragment-là. J'étais sûre depuis le début. Puis là, il y a une partie un peu niaiseuse en moi qui disait, mais c'est un peu stupide, là. Ta mère, c'est les derniers mots qu'elle laisse dans son journal. On le sait, on vient de lire le livre, on le sait qu'elle va mourir. Puis elle dit qu'elle aimerait ça se rendre utile, puis tu laisses ça à la fin du livre. Puis là, on fait comme, ben, elle a raté son coup. Mais je le laissais quand même, puis je savais pas pourquoi. Puis c'est après que j'ai compris que je le laissais là, parce que je pense que c'est ce qu'elle peut faire. Tu sais, il y a un concept qui revient souvent, une idée qui revient souvent dans ce livre-là, puis c'est un peu le sujet de départ ou votre recherche de départ, c'est que la tête peut influencer le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et qui vous a troublé mentalement peut vraiment affecter physiquement le corps humain. Pire que ça, même des choses dont on ne se rappelle même pas. Parce que maman, c'est ça qui est arrivé. C'est que tout d'un coup, dans la cinquantaine, elle a eu ce qu'on appelle un phénomène de mémoire retrouvée. Donc, pendant des décennies, elle a souffert, son corps a souffert, puis elle ne savait pas pourquoi. C'est ça qui est... C'est ça qui m'a complètement fascinée. Puis comme ce qu'elle a redécouvert, c'était pas joli. C'était une agression qu'elle avait subie à 5 ans. À 5 ans. Ben heureusement, y a rien d'heureux là-dedans, mais c'était quelqu'un qui n'était pas dans la famille. Parce que sinon, j'aurais jamais pu écrire le livre. Là. C'était quelqu'un qui passait au mauvais endroit, au mauvais moment. Là. Et comme elle a redécouvert ça, ça tranquillement... C'est pour ça que je parle d'un casse-tête, parce que là, tout d'un coup, je faisais « OK ». Puis là, j'apprenais que les gens qui ont très, très mal au ventre toute leur vie, ce qu'on appelle le côlon irritable, mais il y en a la moitié qui ont été agressées sexuellement. Les femmes qui ont le côlon irritable, il y en a la moitié qui ont été agressées sexuellement. Puis là, je commençais à mettre ces morceaux-là ensemble puis à me dire « Mais c'est incroyable, son corps lui a parlé de ça toute sa vie alors qu'elle s'en rappelait même pas ». C'est pour ça que j'ai eu envie, je me suis dit, ben, en racontant cette histoire-là comme ça, c'est effectivement pour parler de ce que notre mémoire oublie jamais. Il y a une partie de notre mémoire qui n'oublie jamais. Il ne faut jamais se dire, oh, c'est un petit enfant, il va oublier. Quand un enfant vit quelque chose de grave, il ne l'oubliera pas. Il faut juste en tenir compte. Puis, des fois, on ne peut pas le changer. C'est drôle parce que des fois, il y a la raison qui se bat avec cette idée-là que la tête ne nous affecte pas. Jean-Sébastien, je vous connais assez bien depuis quelques années et je serais prêt à dire que votre tête joue souvent avec votre corps. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, vous, des problèmes corporels suite à des angoisses ou des trucs comme ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Puis je sais que Jean-Sébastien, vous êtes quelqu'un de très émotif et je me demande si ça vous a déjà atteint. Non, mais je me retourne pour vrai vers vous, Jean-Sébastien. Ça va où avec ça? Mais je vous pose une question, Jean-Sébastien. Oui, absolument. J'ai compris qu'il y a une corrélation entre ma tête et mon corps depuis quelques années. Mais non, mais vous n'êtes pas obligé de m'envoyer chier avec ça. Hein? Je retourne vers vous et je vous pose la question parce qu'on est un tour de table. Mais moi, j'ai une interrogation vraiment, je la lance comme ça. J'ai pas lu le livre, évidemment, mais cette histoire-là, ça rejoint pas un peu... On entendait parler, là, je pense pas que c'est ça, mais de biologie totale, il y a quelques années, où le corps... des événements même qui peuvent arriver dans la famille de générations précédentes, se transmet une espèce de mémoire des cellulaires. Oui, ben il y a un des spécialistes que j'ai rencontré. Alors, je suis sûre que Christiane, vous l'avez déjà rencontré. Un Belge. Hein? Guylain de Fraude, qui est un grand spécialiste. Non, vous l'avez jamais. Non. Parce qu'il a écrit plusieurs livres. Il a écrit, entre autres, un livre qui dit ce que les mots de vente disent de notre passé. Et lui, il est beaucoup là-dedans maintenant. Il y a des grands spécialistes qui disent maintenant qu'il y a des choses qu'on peut c'est extrêmement controversé, par contre. Plus qu'une génération. Oui. Mais c'est ça. C'est intéressant, Fred, ce que tu dis, parce que moi, je voulais être très, très prudente. Je voulais pas faire une thèse. Je voulais pas dire « ma mère a vécu ça, c'est pour ça qu'il est arrivé ça ». Je voulais juste mettre ces choses-là en relation, les mettre en relation, dire « il y a eu ça, tout ça se tient ». Puis il y a des thérapies qui existent. Mm-hmm. Et comme par hasard, des fois, si on arrive à défaire le nœud, le corps se libère. Est-ce qu'elle en a fait des thérapies? À la toute fin de sa vie, elle a fait une thérapie, effectivement, qui l'a beaucoup libérée, effectivement. Parce que ça marque. Parce que quand j'étais petit, j'avais des maux de ventre. Mais j'haïssais ça, me préparer pour aller à l'école. Moi aussi, C'était dingue. Moi aussi, mais on a tous ça, un ventre qui réagit au stress. Ouais. Là. Ça, c'est à cause de l'école. Faut bannir l'école. Mais je pense qu'il faut bannir l'école, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Mais merci de nous le rappeler, Christiane, quand même. Mais vous qui êtes une fille de tête, j'ai l'impression. parce que vous êtes une musicienne, vous n'avez pas, t'sais, vous avez pas le choix d'avoir... J'ai tellement eu mal au ventre quand j'étais petite. C'est vrai? Ah oui, j'avais mal. Le stress, là, c'est effrayant. Ça vient nous prendre là. Puis là, on me dit, oh, ça doit être la croissance. Puis ça doit être... Mais je sais très bien que c'est des moments où j'étais hyper... Tous les enfants vivent ça, dans le fond. Oui. Puis là, je me suis retournée vers Jean-Sébastien. Est-ce que vous avez vécu ça, vous, des maux de ventre quand vous étiez petit? Ben après ça, je vais vous le poser. Parce qu'après, on prend des appels. Les gens à la maison, appelez-nous si vous avez mal au ventre. Après ça, je vais finir avec un punch. Je vais demander à Olivier. Oui, Jean-Philippe, j'étais un enfant anxieux. Je faisais beaucoup d'insomnie. Puis j'ai été victime d'intimidation. Vous voulez que j'aille là? Mais non! Seigneur, que c'est lourd. Mais est-ce que vous êtes capable de régler ça? Est-ce qu'on est capable de se parler? T'sais? Parce que j'ai l'impression que votre mère, elle a compris avec ces thérapies-là vers la fin de sa vie qu'il était possible de dissocier ces deux mondes-là. Oui, mais là, il faut faire attention. Là, entre le fait qu'on est anxieux, ça s'exprime dans notre corps, puis quelqu'un qui est rendu à se faire opérer tellement son corps. C'est ça. C'est comme si à la puissance 60 de ce que Christiane, toi, Jean-Philippe, Jean-Sébastien ou moi, on a pu sentir. Là. Moi, je parle de gens dont le corps les fait souffrir au point de se retrouver sur des tables de chirurgie. Là. Puis qu'ils se font opérer, puis ça ne change rien. Leur corps les fait encore souffrir autant. Si je disais, ça, c'est un autre degré. Puis ça, c'est lié à des traumatismes. C'est autre chose. Je lisais le livre de... Ben, c'est drôle parce que cette semaine, ça a donné que je lisais deux livres sur la mort. Bon, on va en profiter deux livres dans la même semaine. Oui. Ça n'arrive pas souvent, ça. Je vous haïs tellement. Je lisais le livre d'Alain Vadeboncœur. Oui. Donc, les petites histoires de mort, Quelle en fait. Quelle belle idée, oui. Et votre livre, et vraiment, il y a deux perceptions là-dessus complètement différentes, mais se rejoignent quelque chose d'assez troublant. Et c'est ça, c'est que beaucoup d'histoires concernent la tête, concernent comment les gens vont mourir. Et puis, vous avez un terme dans votre livre, « travailler pour mourir ». Travailler à mourir, travailler à mourir, oui, c'est ça. Mais ça, c'est une chose épouvantable. C'est l'agonie. C'est au moment où quelqu'un est en train de les derniers jours, les dernières heures. J'ai dit à ma mère, littéralement, c'est de l'ouvrage, mourir, maman, lâche pas. C'est tellement ce qu'ils vont. C'est en même temps, c'est d'une incroyable beauté d'être près de ça. C'est extrêmement émouvant, c'est complètement déchirant, mais il y a là quelque chose d'aussi puissant qu'un accouchement. Mais malheureusement, avec le résultat est inverse. Ouais. C'est ça, au lieu de oui. Ben, j'allais vous demander, il nous reste presque plus de temps, mais il faut absolument que je vous pose cette question-là. Quand on est animatrice à la radio tous les jours, quand on fait des concerts parce qu'on joue du clavecin, on trouve quand le temps pour écrire un livre? Mais j'imagine que... Moi, je me suis posé tellement cette question-là. Ben, je suis tellement contente parce que je savais, Catherine, que tu avais écrit ça. Puis je vais le lire. Puis je me disais, mais comment elle fait, Catherine? Tu as des enfants, en plus. Oui, mais ça, c'était... D'abord, c'est ça, ça a pris 2 ans. Je n'ai pas fait ça instantanément. Pendant les vacances, parce que j'arrête quand même assez longtemps l'été, pendant le temps des fêtes un peu, les entrevues avec les spécialistes, ça se glissait bien. Tant qu'en faire 30 par semaine, hein, Christiane? Ben, regarde. On en fait une de plus, puis de temps en temps, puis on ramasse ça. Mais ça, d'une part, mais d'autre part, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire quand ça part d'une nécessité. Et ça, c'est pour ça que c'est loin d'être sûr que... J'ai adoré écrire, mais quand on me demande « vas-tu en réécrire un autre? » Seulement si je trouve un sujet qui impose la même nécessité. J'avais besoin de faire ça, donc on le trouve, le temps, dans ce temps-là. Ben écoute, quand on le lit, en fait, on sent ce besoin-là, puis je pense qu'on a besoin de lire un livre comme ça pour se rapprocher de ces sentiments-là qu'on ne vit pas, en fait. Et puis, c'est un peu... Je parlais avec Alain Vadeboncœur cette semaine aussi, puis c'est ce qu'on se disait... C'est tellement rare, la mort, qu'il y a quelque chose que tu n'es pas capable rare. De saisir. C'est pour tout le monde. Oui, tout à fait, mais je veux dire, tu vis tellement rarement ça. C'est la chose la moins rare au monde. Oui, mais c'est la chose la plus individuelle, la plus unique au monde, mais la plus banale, exactement comme la naissance, c'est ça. Mon Dieu, j'ai de la misère à finir une entrevue de même. Mais, parce que je notais quand même que Catherine Perrin, vous faites tout dans vie. Vous avez remporté récemment un prix pour le bon parler français. Vous êtes le bon parler. Ben, c'est vrai. C'est comme le bon manger. Oui, exactement. Vous êtes aussi une joueuse de clavecin et je me disais, est-ce que vous vous êtes trompée de siècle? Mais ça, on pourra en parler. Mais il me semble que vous fûteriez très bien au 18e. Hein? Non. Le clavecin, c'était pas populaire. Je suis très, très bon au 20e siècle. Moi, je joue des affaires de passage. J'ai hurlé. Fondation Jasmin Roy. Ah oui, franchement. Mais vraiment, hurler. Ben, nous, le geste final qu'on pourrait voir à la radio, la main tendue vers nous, le poignet cassé. Ah oui, c'était écœurant. Nous aussi, on l'a tellement aimé, d'ailleurs. Je pense que c'est le summum du faux. Bonjour, mon nom est Carla Bruni-Sarkozy. Tout comme Sophie Desmarais, la marraine de la Fondation Jasmin Roy, je dis non à l'intimidation. Je sais que l'intimidation et le harcèlement répétitif peuvent être la cause du décrochage scolaire. Chaque fois que je sors un nouvel album, des étudiants en musique abandonnent leurs études. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants ou nos adolescents évoluer dans un contexte hostile. En tant que mère, je ne peux pas fermer les yeux devant ce mal qui brise la vie de milliers d'enfants. De toute façon, à cause du Botox, je ne peux pas fermer les yeux. Tous ont le droit de vivre dans un milieu où chacun est accepté comme il est. Moi-même, avec mes chirurgies plastiques, je m'accepte mieux comme il est. Comme l'a dit mon mari, nous avons le devoir de transmettre des valeurs de tolérance, même à la racaille. C'est pourquoi je dis non à l'intimidation. Oui! Fred Savard, qu'est-ce qu'on fait à Kamloops ce week-end? Ben, pas grand-chose. Ben, en attendant de mourir, on peut aller voir des spectacles. Et mon Dieu, Seigneur! C'est tellement rare, la mort, de toute façon. Tellement... Alors, ce soir, à Toronto, au Sound Academy, Nick Carter et Jordan Knight. Est-ce que vous savez qui sont Nick Carter et Jordan Knight? New Kids on the Block. Les New Kids on the Block, ouais. Alors, il reste deux membres, les Two Kids on the Block, qui sont toujours au spectacle. Samedi et dimanche, malheureusement, les spectacles de Cher prévus au Air Canada Centre de Toronto ont dû être annulés. La chanteuse de 68 ans est malade, alors les gens pourront être remboursés et s'acheter un chalet avec le prix des billets. Les Pixies seront à Calgary dimanche au McEwen Hall. Les Pères du Grunge sont toujours actifs depuis quelques années. Vous savez que c'est le groupe qui a influencé Nirvana. Et que voulez-vous, ouais. On a beau être en révolte, l'hypothèque ne se révolte pas, elle. Les satanistes de Judas Priest seront à Montréal ce lundi soir au Metropolis avec Rob Halford aux commandes. J'ai le plus grand respect pour Rob Halford. Vous connaissez Judas Priest parce que c'est un chanteur qui a été le premier à faire son coming out dans le monde du heavy metal. En quelle année, ça? Fin des années 90. Ah oui, quand même. Oui. Et lui, il s'est inspiré de l'imagerie sadomasochiste gay. Pour... C'est lui qui a introduit le cuir, les clous, dans l'univers heavy metal. C'est vrai. Et lui, allait dans les boutiques de S&M gay à New York. Non, c'est tout à fait vrai. Et on peut le deviner, de toute façon, il ne fallait pas être très perspicace. On lui voit beaucoup. Avec des titres de chansons comme... Merci, Christiane, on lui voit beaucoup. Des titres de chansons comme Hell Bend for Leather, Living After Midnight, Eat Me Alive et surtout la chanson Grindr. Mardi soir, The Australian... C'est bien dit. The Australian Bee Gees seront au Coliseum Caesar à Windsor, en Ontario. Ça, c'est un spectacle hommage aux Bee Gees qui, on l'oublie, ne faisait pas que chanter très aigu, mais était natif d'Australie. Et à un moment donné, je vais faire juste... une révision des spectacles hommages. Et d'ailleurs, en terminant, à Québec, à l'amphithéâtre Vide des Hauts-Troncs, il y aura un hommage au groupe Procol Harum. C'est le groupe Procol Harum qui reprend White Shade of Pale pendant 1h30 avec juste des filles. C'est pas vrai, hein, quand vous dites des mais choses non, comme ça. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. OK, oui. Mais ça me fait rire, les spectacles hommages, les groupes hommages. Je comprends donc. Oui. On en fera un année. On en fera un. On se maquillera en kiss. Okay? Oui. OK, parfait. On va aller je vais faire le chat. On va voir ce qui se passe avec les sports. Et Olivier Niquette. Ben Olivier. Oui, d'abord, l'Impact ne joue pas ce soir. Ça va durer jusqu'à quand, ça, les résultats ben, d'Impact? Je pense qu'il reste deux matchs. OK, correct. Et ils affronteront le Chicago demain à 17h, mais vous ne pourrez pas le regarder parce que c'est en même temps que notre émission. il y a quand même le grand Marco Di Vaio qui a annoncé officiellement sa retraite cette semaine. Le grand Marco Di Vaio? Oui, il est petit, mais c'est un grand joueur. Vous l'aimez tant que ça? Beaucoup. OK. Et justement, la MLS a dévoilé les salaires de ses joueurs cette semaine. Et Di Vaio, il gagnait combien, vous pensez? Non, mais je le sais, 2,7 millions, non? 2,6 millions, ben soit à peu près l'équivalent du salaire de tous les autres joueurs de l'équipe additionnée. Et d'ailleurs, avec le départ de Di Vaio, peut-être que Saputo va économiser assez d'argent pour garder son usine de Trois-Rivières ouverte. On croise les doigts. Sinon, hier, le Canadien jouait contre les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont perdu 4-3 en prolongation, mais ils pourront se reprendre ce soir contre ces mêmes Sénateurs. On devrait voir la formation finale, d'ailleurs. Et comme Jean-Sébastien l'avait prédit, Sekash va faire le grand club. Bravo, Jean-Sébastien. Merci. Il reste un gros suspense quand même, c'est de savoir qui sera le septième défenseur, celui qui joue dans les estrades. Moi, il va falloir que ça se règle, je ne suis plus capable. On se peut plus. On se peut plus. Et un des derniers candidats, c'est Jared Tinordi, qui d'ailleurs a asséné un coup à la tête d'un joueur des Capitals cette semaine, mais comme c'est un joueur de Canadien, tous les experts trouvaient qu'il l'avait décapité de façon très légale. C'est que, voyez-vous, comme l'a expliqué Mario Tremblay aux amateurs de sport, le gars des Capitals avait la tête baissée, comme s'il avait joué gelé sur le lac Saint-Jean avec une crotte en frappant un Volkswagen. Tu sais, tu t'en viens en zone neutre, le petit kid a de la tête basse, comme je comptais aujourd'hui à Peter McLeod, c'est comme un petit gars qui s'en va sur le lac Saint-Jean quand il est gelé avec une crotte de cheval gelée, puis t'as la tête entre tes deux jambes. Bang! Il s'est fait comme un train qui frappe un Volkswagen, là. Bon, effectivement, il l'avait dit à Peter McLeod un peu plus tôt et c'était beaucoup mieux raconté, tellement mieux que tout le monde rit comme des Mongols. Un gars de 6 pieds 6 contre un petit défenseur de 5 pieds et 11. Qui a la tête baissée. Tu peux pas arriver en zone neutre dans la Ligue nationale en pensant que tu joues sur le lac Saint-Jean avec une crotte de cheval. Là, ça arrive national. Tu le sais, parce que t'es déjà fait faire le coup une couple de fois sur le lac, toi. Non, non, mais c'est ça, pareil. C'est comment? Il a dit le mot crotte. Vous voyez, Jean-Sébastien, il n'est pas si pire que ça, votre démarre, Jean-Sébastien. Grosse nouvelle du côté des Alouettes cette semaine. Charles-André Marchand, le descripteur des matchs sur le réseau Cogeco, a été congédié. C'est qu'il a écrit un long texte sur un blog Internet, comme l'a écrit Régent Tremblay. Et sur son blog Internet, il disait entre autres, je cite, « Les gens qui assistent au match du Rouge et Or, ce sont pour la plupart les mêmes psychopathes qui se caressent les parties intimes dans le noir en imaginant la résurrection de leur nordique. » On dirait presque du Fred Savard. Il dit aussi, c'est moins dangereux ces jours-ci de pisser sur une mosquée dans le très accueillant État islamique autoproclamé que d'encourager les Stingers de Concordia au stade TELUS de Sainte-Foy. Ça me semble un brin exagéré. Et il dit que les fans du Rouge et Or sont, et je cite, des milliers de barbares qui s'époumonnent pendant 60 minutes et vomissent leur haine de Montréal, ainsi qu'un chapelet d'obscénités à l'égard de celles et ceux qui y habitent. Tout ça sur son blog Internet où il vomissait sa haine de Québec. En tout cas, ça sent la réorientation de carrière. J'invite les gens à m'envoyer leurs exploits sportifs pour ma rubrique Toast et Café 2.0. Je pourrais lire les plus beaux exploits demain si vous avez battu un record de saut de baril. Là, je veux le savoir. Et on va finir avec la pensée du jour de Michel Baudry. Mm-hmm. Son ex excellait au golf. Elle l'a mis dans le trou d'un coup. Ah, c'est tellement... C'est pas nécessaire de faire profond. De place à ces gens-là en ondes. C'est pas super. Ah, vous trouvez c'est... ça profond? Ah oui, je suis encore en train d'essayer de penser. Je suis de moins en moins à l'aise dans cette émission-là. Merci beaucoup, Olivier Niquette. Merci. C'est moi qui l'ai vu. Ben, je penserais pas que c'est moi qui l'ai vu, Fred. Moi, je pense que je l'ai vu. C'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine et le préféré de Christiane Charrette, oui. Clairement. Elle lève la main. D'ailleurs, on est à la radio, Christiane. OK, d'accord. Le vu, pas public, vu. Il y a du public qui n'entend pas au fond. Non, je sais. Faut bouger. Ah oui, c'est vrai, faut bouger. Ils applaudissent. Regardez si c'est fin. C'est ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas et où tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshitter en pleine face. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne quelque chose. Mon respect. Ouais. Je suis désolé, c'est j'ai encore une canne de ragoût, si vous voulez. Ah, ça, c'est vrai. On pourrait gagner une bonne canne de ragoût. Ah oui, on fait ça. OK, on fait tirer une canne de ragoût. Alors, okay. Cette semaine, la plus récente pièce de théâtre de Fabien Cloutier pour réussir un poulet. Fabien Cloutier, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines pour parler de cette pièce-là. Et c'est Fred Savard et Jean-Sébastien Girard qui l'ont vu ou pas. Oui. J'ai moi-même vu la pièce cette semaine. Est-ce que vous l'avez vu, Catherine? Vous ne l'avez pas vu, Christiane? Non, mais je l'ai vu à Paparagile. Ouais, non, mais c'est pas voir non, la pièce. Non, mais cette année, j'ai quand même vu Fabien Cloutier à Paparagile. Ah. Je l'ai entendu ici. Est-ce qu'elle fait des extraits de la pièce à Paparagile? Non. OK, avec vous l'avez pas vu. Bon, mon Dieu. C'est un gros détour. Non, mais j'ai entendu les entrevues. Vous l'avez vu plus que Jean-Sébastien. OK, alors on va commencer le débat. Vous savez évidemment comment ça fonctionne. Vous faites état de votre appréciation de la pièce. Absolument. On se rappelle la semaine dernière que vous aviez détesté la pièce d'Emmanuel Bilodeau que vous n'aviez pas vue. J'avais des réserves. Non. Enfin, peu importe. On a parlé la semaine passée. D'Emmanuel Bilodeau. Oui, commencez votre débat, j'avais beaucoup de réserves sur Emmanuel Bilodeau. Oui, de passage, là. Vous l'avez pas vu, Jean-Sébastien. Tu l'as pas vu. Vous l'avez pas vu, arrêtez là. En revanche, j'ai vu évidemment le spectacle de Fabien Cloutier cette semaine. On était très curieux de voir ce spectacle-là. Des bois. Honnêtement, on a tiré à la courte paille dans le bureau pour savoir qui allait y aller. Alors, généralement, ça s'impose naturellement par nos intérêts communs. Mais dans ce cas-là, on avait vraiment envie de voir le spectacle parce qu'on aime l'univers de Fabien Cloutier. Les deux l'ont vu. Non, il y en a un des deux. Non, vous allez voir. Là. Oui, laissez-le parler, vous allez voir qu'il l'a pas laissez-le vu. Laissez-le m'embourber. Alors voilà, moi, j'ai pas vu la dernière pièce, Billy, les jours d'hurlement, mais j'ai vu les deux premières pièces, Le Chum à Chabot, un univers qu'on a beaucoup aimé, un univers dur, évidemment, mais quand même avec beaucoup d'humanité dans ce personnage-là. Arrêtez vos petits yeux. Non, mais laisse de réticence. Voilà. Alors, dans ce cas-ci, on retrouve cinq personnages qui baignent sensiblement dans les mêmes eaux que dans les pièces précédentes. Donc, ce sont des personnages qui vivent une certaine pauvreté intellectuelle, une pauvreté morale, une pauvreté financière aussi. On le sait, c'est du monde sans éducation qui parle, sans sans filtre, comme nous, des gens vulgaires, comme nous, des gens misogynes, des gens racistes, etc. Ouais. Parmi ces gens-là, évidemment, deux personnages importants, Steven et Carl, qui sont interprétés par Hubert Proulx et Guillaume Cyr, deux gars paumés qui tentent tout au long de la pièce de se sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent. Ouais. Évidemment, on s'en doute, ce type de personnages-là, plus ils vont tenter de sortir de la misère, plus ils vont s'enliser dans cette misère-là. Bon, ils vont travailler... Ça, c'est le communiqué. C'est le communiqué. OK, d'accord. Arrêtez. Il faut parler de l'histoire, ben oui, non, évidemment. Je comprends. De quoi on parle. Alors, ces deux personnages-là vont travailler pour Mario Vaillancourt, mm-hmm. un véreux propriétaire de centre commercial. Ils vont faire toutes sortes de petits boulots un peu douteux, parmi lesquels revendre des huîtres au marché noir et aller vomir sur des morts dans des salons funéraires pour des règlements de compte. On s'en doute, bon, évidemment... Je pensais que Christiane tricotait, ça gênait un peu mon regard, mais non, vous jouiez... Non, j'écoute, j'essaie de choisir avez... lequel... Il est très stressé. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est aussi puissant, aussi efficace, aussi bien ficelé que les premières pièces? Vous avez bien c'est lu les critiques. C'est tellement la question. Ouais. La réponse, évidemment, c'est non. Je pense que c'est pas tout à fait aussi solide. Est-ce que c'est aussi mauvais qu'une certaine critique de la presse que Luc Boulanger? Absolument pas, parce que plein d'éléments qui nous plaisent beaucoup chez Fabien Cloutier qui se retrouvent dans cette pièce-là. À commencer évidemment par le regard extrêmement incisif et très précis qu'il porte sur ces gens-là, qui le fait quand même avec une certaine dose d'amour, ouais. sans jamais juger ces personnages-là. Il y a évidemment l'humour cinglant, la formule choc qu'on retrouve encore ouais. une fois dans ces personnages-là. Cette espèce de oui, le pâté chinois dans lequel on dans le pâté chinois. Oui, ouais. On peut pas dire quoi là, mais ouais. On peut pas mais dire vous quoi. Non plus d'ailleurs, mais ben bon. Oui, je peux le dire évidemment, mais je le dirai pas ici à cette heure-là. Ouais, ouais. Alors c'est. Alors ça c'est votre. Est-ce que vous avez fini J'ai pas fini. Okay. Donc évidemment cette espèce de rire encore une fois où on est en train de rire, on se dit est-ce que je suis en train de rire du premier degré, est-ce que j'ai le droit de rire de ça. On regarde le voisin d'à côté savoir si on peut vraiment rire de ça. Donc tout ça est encore très très efficace. Le casting, tous les acteurs sont formidables. Il y en a l'impression qu'ils sont cinq. Ah, pardon. Vous ne l'avez pas vu? Ben oui, je l'ai vu. Mais j'essaie de vous piéger. Est-ce que des bémols? Oui, j'ai des bémols. Je pense que je vais peut-être donner la parole à Fred avant de parler de mes bémols. Bon, alors je pense que... et ça, oui. Je pourrais parler du spectacle réellement. Il y a d'autres critiques, évidemment, qui en ont parlé. Je pense que, contrairement aux autres pièces, oui, effectivement, il manque un peu d'humanité dans ces personnages-là. Ils vont toucher tellement l'horreur et le sordide, surtout vers la fin, qu'on manque beaucoup d'empathie pour ces personnages-là, ce qui n'était pas le cas avec les autres personnages. C'est une pièce aussi qui est extrêmement sombre, Jean-Philippe, et je sais que dans les prix papier, j'ai lu beaucoup que Fabien Cloutier disait qu'il y avait quand même beaucoup de lire. C'est en vers pas, j'étais assis dans la première rangée. C'est pas en vers pas, c'est en jaune. La langue, en fait, est hyper intéressante. Au début, c'est drôle, particulièrement le personnage de Judith, joué par Marie Michaud, qui parle de qui est une matante qui va sur YouTube. Qui reçoit toujours des messages de sa chum sur des manifestations dans le monde arabe. Elle dit, hey, on s'en fout, tabarouette. Puis, c'est tous les personnages réfléchissent à leur pauvreté. Et des fois, je trouve qu'il y avait un côté prêchi-prêcha qui est un petit peu agaçant sur le capitalisme, comment qu'on est pauvre, c'est une question d'attitude. Puis oui, ils veulent s'en sortir, ils essaient de s'en sortir. Au début, ils font des petits métiers de ferrailleurs. Le personnage d'Hubert Proulx, Steven, qui a mal au dos, il était écœuré, évidemment, de faire ça. Et c'est là, et vous l'avez mentionné très rapidement parce que vous avez lu en diagonale les critiques, il y aurait supposément une passe à faire à aller à Caraquet acheter des huîtres. Évidemment, c'est deux paumés qui n'ont aucune idée que les huîtres, les restaurateurs ont leurs fournisseurs. Fait qu'ils essaient de les vendre dans les restaurants. Ça ne marche pas. Le camion est prêté par Vaillancourt, qui est joué par Denis Bernard. Très bon, Denis Bernard. Très mais bon. Je trouve que le casting était. Denis Bernard n'a pas l'air d'un propriétaire de petits centres d'achat de fonds de cours. J'aurais vu Roger Léger, genre un personnage comme ça. Jouer le caïd de. Bon, il y a le caïd pour. Oui, ça. Ben, c'est ça. Mais il est bon, c'est pas ça le problème. Mais c'est le duo, Guillaume Cyr et Hubert Proulx, les deux, Carl et Steven. Donc, vont chercher les huîtres, ça marche pas. Le camion est même pas réfrigéré. Fait que plus la pièce avance, les huîtres. Plus ça pue. Et là, ils voient bien qu'ils s'en sortiront pas. Et là, ça glisse tout d'un coup. Et là, je peux pas dire. Pensez au pire crime qu'un être humain peut commettre. Et là, c'est là qu'on tombe dans « Mon Dieu, ils ne s'en sortiront pas. Le méchant capitalisme les force à faire quelque chose d'absolument odieux. » Et là, c'est un petit peu, à mon avis, too much à cause de ça. Bon. Puis la mise en scène, c'est Fabien Cloutier qui a fait la mise en scène. Et il y a des dialogues, mais on est beaucoup... Chaque personnage est dans son univers cloîtré, en fait. Et là, il y a une espèce de métaphore, je pense, avec le manque de mobilité sociale de la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup ça. Mais j'ai trouvé que c'était crowbar, en fait, la réflexion. Je pense que ça aurait pu être un peu plus nuancé, la réflexion sur la pauvreté et sur le capitalisme. Mais sinon, il y a des lignes de personnages qui envoient qui moi, en tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est le Fabien Cloutier de qu'on entend à la radio sur le plus on est fou, plus on lit. On le retrouve. Il y a une plume oui, débile. En tout cas, bon. C'est clairement vous qui l'avez vu. Ben, ça, c'est clair, clair et net. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mes soupçons. Ok, pour les gens autour de la table, là, pour que vous sachiez. Cette semaine, Jean-Sébastien a reçu les textes de la pièce de la part de notre recherchiste et évidemment, quand tu reçois les textes d'une pièce de théâtre, c'est surtout parce que tu ne l'as pas vu et tu as besoin de te préparer. Voilà. Alors, je... Non, mais attends un peu, toi tu donnes. Hein? Tu n'es pas là pour le show, toi, tu es là pour vendre un de tes deux collègues. C'est mes soupçons. Non, mais j'ai des soupçons. Oui, mais Jean-Philippe. T'es l'animateur. Mais je ne le sais pas encore. C'est trahison, ça. Non, mais attendez, Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe, t'es pas supposé Jean-Philippe, faire ça. On a reçu le texte avant de recevoir Fabien Cloutier. Et dans le courriel en question, il y avait vous, il y avait moi, il y avait aussi Fred Savard. Puis moi aussi. Salut, c'est le petit Olivier. Bonjour, le petit Olivier. Bon, on va faire un tour de table. Est-ce que vous avez une question à poser, Christiane, au gars? Non. Moi, je soupçonne Jean-Sébastien. Non, mais parlez-moi de la musique, non, moi, parlez-moi de Mister Valère. Moi, je, dans toute ma naïveté, probablement, mais je pense que c'est Fred qui l'a vu. Vous pensez ça? Oui, non, peut-être c'est naïf, mais je pense ça. Moi aussi, je pense que c'est Fred. Moi aussi, je pense que c'est Fred. Ah, mon Dieu, je pense... C'est une façon de s'ancrer dans l'histoire. Ben, c'est boire un spectacle, c'est ça. mais en même temps, il lisait sa critique. Oui, non, c'est clair. Mais tout ça, il peut l'avoir monté. Ben si c'est pas lui qui l'a vu, il est vraiment un extraordinaire comédien, encore plus que je pensais. Mais... non, mais il le pensait déjà. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Moi, il y a quelque chose avec Jean-Sébastien qui me tracasse à chaque semaine, c'est qu'il me convainc, peu importe qui ait vu une pièce ou non, que c'est bon ou pas. Comme la semaine passée, moi, j'étais convaincu qu'Emmanuel Bilodeau, c'était pas si bon. Et je suis resté avec cette idée-là dans la tête, même s'il m'a révélé après qu'il l'avait pas vu. C'est un comédien extraordinaire, Jean-Sébastien Girard, et franchement, je trouve ça dégueulasse qu'on l'ait jamais repris pour le théâtre ou des trucs comme ça, mais qu'est-ce que sa carrière a pas levé. Je veux pas faire de théâtre, je veux pas en faire. Vous me présentez comme un comédien raté, je veux pas jouer, je joue pas. Olivier Niquel, vous pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu. Ah, pourquoi? Parce que vous êtes un... Je sais pas. Je pensais que je savais c'était qui, mais là, je suis plus sûr. Mais, fait que je vais y aller au hasard, Jean-Sébastien. OK, d'accord. Alors, je vais poser la question au public maintenant. Qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui a vu pour réussir un poulet? Applaudissez. Il y a des gens qui eurent. J'aurais fait la même chose. On eut quoi exactement? Je ne sais pas. Qui croit que c'est Fred Savard qui a vu pour réussir un poulet? Et que je vous haïs, là, je suis sûr que c'est Jean-Sébastien qui l'a vu finalement. Qui a vu la pièce? C'est moi. Ah! Jean-Sébastien Girard, je t'haïs! Mais c'est comme du double jeu, là, c'est génial. C'est dégueulasse. C'est effectivement moi qui ai lu le texte jeudi soir, avant de dormir. J'avais même pris un extrait, mot à mot, je disais, non, ça se peut pas, tu peux pas. Fait que là, je l'ai pas dit, là, mais ouais, c'est ça. Mais je peux pas croire que je me sens encore... formidable. Bravo, Bravo, Jean-Sébastien Girard. Bravo, les gens pensaient qu'il l'a pas vu. Mais quel comédien! Ben oui, tout à fait. Ah, ça m'écœure. Quel comédien ou quel mauvais chroniqueur culturel. Ah, ben peu importe, vous avez un avenir à Radio-Canada. OK. Est-ce que vous avez des questions, Jean-Sébastien Girard? Ah, mon Dieu, est-ce que j'ai des questions? Ben sûrement. Ben non, prenez votre temps. C'est venu tellement vite. Parlez avec Christiane. Non, mais moi, cela dit, si effectivement, il y avait eu... J'ai senti la naïveté. Parce que s'il y avait eu un soupçon que le texte avait été accessible, c'était ce qui me frappait, c'était que Fred savait vraiment des choses très, très, très, très, très spécifiques. Ouais, ouais. Alors, si on avait pu... qui que ce soit ici, soupçonner que le texte était disponible. Parce que c'est sûr! Parce qu'il parle des huîtres, mais il en a parlé vite, mais c'est quand même important dans la pièce, toute la tasse de la caracette. Et après ça, Jean-Philippe triche. Moi, ça m'écoeure. Ben non, mais Jean-Philippe, tu triches, tu as parlé de la couleur du mur, puis après ça, tu lui as dit que c'était pas bonne. Ben non, fait mais là, tu nous as dit. Ben non, mais moi, je pense que la tricherie, ça m'écoeure. Bon, on chicane après, là. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez une question pour nos deux mesdames? Oui, absolument. Pour Mme Perrin, un courriel qui nous vient d'une Lucie. Avec lequel des membres de la soirée est encore jeune, aimeriez-vous le plus étendre votre linge? Ah! Est bonne, par exemple. Pas mal, hein? C'est avec vous, Jean-Sébastien. Ah, ben là, franchement, c'est donc bien déplacé, cette affaire-là. Franchement, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous avez une deuxième question, Jean-Sébastien? Oh! Malheureusement, non. Parce que c'est le moment de la blague du jour, Jean-Philippe. Donc, c'est vrai! Oui. Alors, je vous pose une question. Oui. Quelle est la meilleure caresse que l'on puisse faire à une belle-mère? Alors, ça va être niaiseux, hein? Caresse chez elle! Ah! Elle est drôle pour vrai, en plus. Merci Jean-Sébastien Noudouane de nous finir l'émission comme ça, c'est extraordinaire. Merci Catherine Perrin. Merci Jean-Philippe. On vous écoute lundi, mais évidemment, on va acheter votre livre qui est publié chez Québec Amérique. C'est très, très, très, très bien. Non, mais je sais, pour les gens qui nous écoutent, franchement, voyons donc. Christiane, merci tellement. Merci à vous. Vous allez venir nous voir? Oh oui, avec plaisir. J'interromprai plus jamais Fred Savard. Ah non, mais Fred Savard, il est impitoyable, Fred Savard. Il est dur. Je sais, il est très, très dur, mais c'est un homme viril, je l'ai dit au début de l'émission. Merci évidemment à toute l'équipe, et nous, on se revoit demain à 17h pour une autre soirée. Encore jeune, on se prépare ce soir, les boys. Bye bye tout le monde. Bye.